في أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما فيه صوت؟ إلياس أبو أنس يقول فيه صوت، والأخت تقول ما فيه صوت، أم عبد الله فيه صوت. نعم الحين فيه صوت. Je disais que comme prévu إن شاء الله تعالى on commence directement par le livre de par le chapitre الصيام. Parce que peut-être qu'il ne reste qu'un mois, inshallah ta'ala. Donc on doit vite terminer ce qui a rapport avec le siyam. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ne connaissent pas bien les règles du siyam. Siyam, je crois que c'est le jeûne. Les règles du jeûne, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Très vite, yani, je dirais que l'ouraten, c'est le kef ou l'imsak. Comme dit le ta'ala, « Inni nadartu lirrahmani sawman » Hey something. Donc étymologiquement, yani le mot hada, as-siyam, ça veut dire yani laisser la chose, yani s'éloigner d'elle. Comme elle a dit Maryam alayhi salam, elle a dit inni nazartu lirrahmani sawman. Ça veut dire j'ai fait un nazar lillah subhanahu wa ta'ala de ne pas parler. Autrefois, il aurait été possible de faire cela, de ne pas parler. Maintenant, c'est interdit de rester par exemple 3 jours avec quelqu'un sans lui parler, sauf si on a des excuses qui ont un rapport avec la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois n'a pas parlé avec ses femmes pendant un mois. Il s'est éloigné d'elles. Wa fi shar' et yani dans la religion, l'imsak 'an at-ta'am wash-sharab wal-wiqa', c'est ne pas s'éloigner du manger, du boire et des rapports. S'éloigner, pourquoi on s'éloigne? C'est le médecin qui nous a dit de nous éloigner? Non, c'est pas ça. Biniyati khalisa lillah azza wa jal. Avec l'intention que c'est pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on veut parler de fadluhu. Fadluhu. Yani, quels sont les mérites du siyam? Quand quelqu'un fait le siyam, quels sont ses mérites? An Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, qala, a dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت عند النبي صلى الله عليه وسلم نسردي سكتي بعفوتي un peu de temps pour le temps donc venir là ça inshallah ta'ala. Il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire كل عام ابن آدم له إلا صيام. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Allah a dit, Allah عز وجل quand il dit ou bien dans le Coran ou bien dans le hadith qu'on appelle hadith Qudsi. Quand il parle, ou bien il parle dans le Coran, mais il parle aussi dans autre chose. C'est quoi? Ce qu'on appelle un hadith Qudsi. Parce qu'il y a le hadith Nabawi, le hadith du prophète, et le hadith d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'appelle le hadith Qudsi. Quand Allah Azza wa Jal, il a dit, Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Tout ce que fait, yani, l'être humain, plus précisément le musulman, tout ce qu'il fait comme action, c'est pour lui. Non, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Man jahada fa innama yujahid li nafsihi, comme a dit Allah Azza wa Jal. Quiconque fait le jihad, il le fait pour lui. Allah Azza wa Jal, est-ce que, yani, que tu fasses des choses ou là ça va, yani, yani, comment dire, rien ne t'affaire bien Allah subhanahu wa ta'ala? Non, c'est pas pour lui. C'est pour toi, pour que tu rentres toi au paradis. Si tous les êtres humains avec les djinns s'accorder à ne plus faire d'adoration, ça ne ferait jamais mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tous ils vont s'accorder pour commencer la prière et pour faire ce qui plaît à Allah azza wa jalla, ça ne va rien lui ajouter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, Allah azza wa jalla a dit, kullu amil bani adam, tout ce qu'il fait c'est pour lui, illa siyam, il a dit sauf siyam, huwa li wa ana ajzi bihi, sauf le siyam, le jeûne. Est-ce que le siyam c'est le jeûne? Moi je dis à peu près de ma tête. Illa siyam qal innahu li, il est pour moi, wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui donne la récompense. Pourquoi il a dit c'est pour moi le siyam, non, le jeûne? Donc pourquoi c'est spécial, pourquoi c'est pour Allah, les autres choses sont pas pour Allah? Beaucoup, yani les ulama ont divergé ici ce que ça veut dire, mais beaucoup ont dit toute action que tu fais, yani la plupart du temps on te voit. Tu fais la prière, les gens te voient dans la mosquée. Tu fais la prière dans la maison, ta mère te voit, ton père te voit, etc. Mais le jeûne, tu peux le faire et des fois personne ne sait. Il y avait certains, yani nos grands-pères, etc. C'est pas yani mon grand-père, moi, mais nos grands-pères, vos grands-pères, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient des fois? Tellement, yani, alhamdoulilah, ils étaient sincères, etc. Ils faisaient le jeûne comme ça, un lundi ou un jeudi, et des fois, leur femme ne savait pas. Il vient normalement le soir, bon, j'ai faim, donne-moi à manger, il mange, alors qu'il avait jeûné. Donc, voilà, yani, la sincérité au point de ne même pas dire à sa femme. Maintenant, nous, on a pris l'habitude, quand on jeûne, il faut une semaine à l'avance, on avertit. Jeudi prochain, je vais faire le jeûne, hein. Déjà, je vais préparer la liste. Qu'est-ce que je vais manger comme poisson? Quels sont les fruits que je vais manger? Et si je peux même les voisins, je les fais entendre. Le jeudi prochain, inchallah, je vais jeûner. La hawla wa la quwwata illa billah. Autrefois, sa femme et ses enfants ne savaient pas tellement ils étaient sincères. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit, sauf siyam, sauf le jeûne. Il est pour moi. Personne ne peut le connaître. Il est pour moi. C'est moi qui donne la récompense. Ensuite, le prophète a dit, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, je jure par qui Allah Azza wa Jal tient mon âme. Je jure par qui tient mon âme, c'est-à-dire, je jure par Allah. La khulfatu, dans un autre hadith, il dit la khuluf, la khulfatu fami sa'im atyab indallah min rihil misk. Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Elle est le prophète, sans qu'il jure, on le croit. Mais là, il a juré, il ne reste rien dans notre cœur, il y a un petit doute là. Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque quelqu'un fait le jeûne, et qu'il a une mauvaise odeur qui sort de sa bouche, parce qu'il n'a rien mangé 24 heures, il dit, je jure que cette odeur qui est mauvaise, que chez Allah subhanahu wa ta'ala, elle est mieux que l'odeur du musc et du parfum. La hawla wa la quwwata illa billah. Nous, quand quelqu'un s'approche de nous qui a jeûné, peut-être qu'il a une mauvaise odeur. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette mauvaise odeur, elle est mieux que l'odeur du musc et du misc. Ensuite, un autre hadith qui montre les mérites du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith long, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Inna lissa'imi farhatayn. Celui qui fait le jeûne, il a deux joies. Naam, il a deux joies. Il a aftara farih, lorsqu'il va manger le soir, il va être joyeux. Naam. Alhamdoulilah, toute la journée. Et maintenant, yani, il a faim, il veut manger, il a déjà une joie. C'est un être humain, il veut manger comme tous les gens veulent manger. C'est la première joie. La deuxième joie, il a laqiya Allah Azza wa Jal farih. Quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera la deuxième joie, et ce sera la meilleure joie. La plus grande joie. La plus grande joie. C'est un hadith sahih, bien sûr, il est dans sahih muslim. Autre chose, pour les mérites, Al-Hudayfa radiallahu ta'ala anhu a dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Hudayfa a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarih. Il a dit, les problèmes que rencontre la personne dans sa famille, dans son argent, dans son corps, dans ses enfants et avec ses voisins, tous les problèmes qu'il rencontre, il y a quatre choses qui peuvent enlever les problèmes, les fitnas que tu trouves. C'est quoi? c'est salat. Avant ça, il a dit siyam. Premièrement, siyam, salat. Ou l'amr bin ma'ruf ou na'al munka. Yani, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, que l'Azur n'aime pas, tu dis, yani, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est haram. Ou bien, tu veux montrer quelque chose de bien, tu dis, faites ceci, faites cela, c'est sunnah, faites ceci. Les gens qui font la salat et qui font le siyam, le jeûne, et qui montrent aux gens et le blâme les choses qui ne sont pas bien, que l'Azur n'aime pas, na'al munka, cela, l'Azur leur enlève beaucoup, beaucoup de problèmes. Non. Beaucoup de problèmes qu'ils ont, Allah Azza wa Jal leur enlève leurs problèmes à dos, c'est-à-dire à cause de ces quatre choses, à cause de ces quatre choses. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là c'est un hadith de Bukhari Muslim, et celui qui vient, c'est un hadith aussi qui est sahih, je vais voir ici lui, Kharajou Bukhari au Muslim aussi. Le prophète alayhi wa sallam a dit As-siyamu junnah, As-siyam, c'est un bouclier. Quand quelqu'un va faire un duel avec quelqu'un avec de l'épée, avec une épée, s'il n'a pas le bouclier, et lorsqu'il a un bouclier, yani, le premier coup, il enlève le cou, là, il enlève un bras. Pourquoi tu n'as pas de bouclier pour parer et barrer aussi, et barrer lorsque l'autre frappe. Maintenant, le prophète A.S. a dit, c'est un bouclier. Bouclier de quoi? Bouclier par rapport à l'enfer. S'il y a l'enfer, tu le mets comme ça devant toi pour que ne pas aller en enfer. Pourquoi? C'est un bouclier. Parce que quand quelqu'un fait le jeûne, il laisse plusieurs choses. Le jeûne, tu laisses des choses de halal. Alors, qu'en est-il du haram? Maintenant, manger, c'est halal. Tu ne manges pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Boire, c'est halal. Mais toi, tu ne vas pas boire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme, c'est halal. Tu ne touches pas ta femme à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'en est-il pour ce qui est du haram? Ça, c'est si tu laisses le halal, c'est que c'est sûr que tu vas laisser le haram. En ce sens, c'est un bouclier. Le siyam, là, même yani, ceux qui font le jeudi, etc., c'est un bouclier pour eux. Ensuite, le prophète a.s.w. a dit, dans un autre hadith, qui est un hadith toujours de Bukhari au Muslim, il a dit, « Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan » Il a dit, il y a au paradis une porte qui s'appelle Rayyan. Yatkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. De cette porte rentreront ceux qui faisaient le jeûne ici. Ceux qui faisaient le jeûne rentreront de cette porte. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Aucune autre personne ne rentrera de cette porte. Ceux qui ne faisaient pas le jeûne, même s'ils vont au paradis, ils ne rentreront pas de cette porte. Parce que vous savez que on peut être musulman et ne pas faire le jeûne. On dit, je reconnais qu'il existe là, mais je suis fatigué, Kada, il ne fait pas. Il a fait un grand, grand péché. Il n'est pas devenu kafir. Il a fait un grand péché. Celui-là, il rentrera au paradis, Inch'Allah, mais, parce que c'est un musulman, mais il ne rentrera pas par cette porte. Ça veut dire, ceux qui rentreront par cette porte auront des choses plus que celui qui ira au paradis et ne rentrera pas par cette porte. C'est quand même à peu près. Quand tu rentres dans un grand, par exemple, une foire ou là, il y a beaucoup de portes. Cette porte, si tu rentres par elle, tu vas voir des choses que les autres ne verront pas. Parce qu'ils sont rentrés de l'autre côté, ils sont rentrés de la troisième ou quatrième porte. De cette porte, toi, tu vois des choses que eux, ils ne vont pas voir. La même chose, ceux qui vont rentrer, faisaient le jeûne, ils ne rentreront pas à cette porte, verront et trouveront des choses que les autres ne trouveront pas. C'est pour ça, il a dit, فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٍ. Il a dit, lorsque ceux qui faisaient le jeûne rentreront par cette porte qui s'appelle Rayyan, cette porte se fermera, plus personne ne pourra rentrer par cette porte. Et remarquez, Allah Azza wa Jalla a appelé cette porte Rayyan. Et vous savez que le paradis a 7 à 8 portes, et que l'enfer a 7 portes. Donc, cette porte, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Rayyan. Ça a une relation très étroite avec l'eau. Hein? On dit Ray. En arabe, on dit Ray al-Ma. Ça, on dit Wizarat al-Ray, ministère des eaux, etc. Ray. Donc, ça a un rapport avec de l'eau, parce que celui qui a jeûné, bien sûr, il n'a pas bu de l'eau, et la première chose qu'il voudrait boire, c'est de l'eau. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui est sahih, toujours le Bukhari au Muslim, il a dit, Men sama yawman fi sabilillah. Quiconque fait jeûne yani jeûne un jour en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, un seul jour, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nas 70 kharifan, Allah azza wa jall fera éloigner son visage de l'enfer 70 ans. Si l'enfer est là, il va s'éloigner 70 ans plus loin. Imagine, disons seulement marcher. Imagine, je commence à marcher aujourd'hui, je pars d'ici de la ville où je suis, je vais marcher 70 ans. Supposons que l'enfer soit ici, devant moi, et je vais marcher 70 ans. Combien vais-je être loin de l'enfer? 70 ans, je ferai peut-être le tour du monde deux fois. Je serai très très loin de l'enfer. Ensuite, je crois que ça suffit, Inch'Allah Ta'ala. Non, dernier hadith. Le prophète, alayhi sallam, il a dit, الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام le jeûne ou le Coran et le Coran, ceux qui le lisaient, qui comprenaient ce qu'il disait quand il lisait, qui appliquaient ce qu'il lisait, ceux-là, les deux vont faire l'intercession, le jeûne et le Coran vont faire l'intercession demain à cette personne devant Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الصيام, le jeûne va parler, qu'est-ce qu'il va dire? أي رب أو الله منعته الطعام طعام الشهوة فشفعني فيه أو الله je l'ai empêché de manger et de ses plaisirs et de ses plaisirs شفعني فيه fais-moi l'intercession يعني et accepte يعني qu'il n'aille pas par exemple en enfer ou là accepte qu'il aille au paradis ويقول القرآن et le Coran dira منعته النوم بالليل je l'ai empêché de dormir la nuit, fais-moi l'intercession, yaqul fayushaffa'an, Allah Azza wa Jalla acceptera et leur feront l'intercession. Remarquez qu'est-ce qu'il a dit pour le Coran, remarquez ce qu'il a dit, barakallahu fikum. Que dira le Coran? Mana'tuhu nawma bil-layl, je l'ai empêché de dormir la nuit. Regardez les gens du Coran, ils ne dorment pas la nuit et ils font la prière la nuit, ou bien s'ils ne font pas la prière, ils le lisent la nuit. Hein, ils se réveillent une heure ou là avant le Fajr, et il prend le Coran et il commence à lire. C'est pas le Coran des Toroqiyya. C'est pas le Coran des Toroqiyya qui, lorsqu'il y a la mort, il vient seulement pour lire pour le mort, pour manger le couscous et la viande et prendre un peu d'argent dans sa poche. Voilà comment qui croit que c'est le Coran. Le Coran c'est pour le lire pour les morts. Non, c'est pas ça. Le Coran tu le lis pour toi, tu fais l'adoration avec pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu adores Allah avec le Coran. Ou bien en le lisant, ou bien en faisant la prière avec. En appliquant ce qu'il y a. Voilà les vrais Ahl al-Qur'an. Ahl al-Qur'an, les gens du Coran. Pas ceux. Qui l'ont pris comme, pour faire entrer de l'argent. Ils ont jeûné Ramadan. On jeûne le Ramadan. Ensuite, en jeûne, quand par exemple quelqu'un par exemple a juré, il a dit Wallah al-Azim, par exemple, je ne vais pas demain à Alger, supposons. Ensuite, demain, il dit Wallah, il faut que j'aille, je dois aller, j'ai affaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Alger, il fait le jeûne. Il fait 3 jours. Mais avant le jeûne, bien sûr, il doit faire autre chose. Il doit essayer de donner de la it'am. It'am, achet masakin. Ensuite, s'il ne peut pas, il va au jeûne. Donc, ça s'appelle ça kafara. Ça s'appelle kafara. Des fois, on jeûne, kafara. Ou bien quelque chose, quelqu'un qui fait le rapport avec sa femme en plein ramadan. Celui-là, il a kafara. Il va faire 2 mois consécutifs. C'est la deuxième sorte. Troisième sorte, saum al-nadhr. Saum al-nadhr. Tu dis par exemple, nadhartu lillah, je fais un nadhr à Allah subhanahu wa ta'ala. Que je vais faire le carême une semaine. Ça s'appelle nadr, le vœu. Naam. Je fais un vœu, en arabe on dit nadr, je fais un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais une promesse, je fais un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala que je vais, par exemple, je vais jeûner tout le mois, par exemple, de Muharram, etc. C'est la troisième sorte. Je dirais en parenthèse que cette troisième sorte se divise en beaucoup de sortes. Mais, grosso modo, ça se divise en 2 grandes sortes. Une première, les vœux hada, le jeûne du vœu. Une première, que Allah Azza wa Jal aime, la première sorte, et la deuxième qu'il n'aime pas. La première, c'est quoi le jeûne qu'il aime, le jeûne du vœu? C'est quand tu dis comme ça, sans contrepartie, sans contrepartie. Tu dis, je veux, par exemple, je fais un vœu que je vais jeûner le mois de Muharram. Je fais un vœu que je vais faire le carême, jeûner tous les jeudis, tous les lundis, etc. Ça, si tu fais ce vœu, ensuite tu appliques ce que tu as dit, Allah Azza wa Jalla aime cela. Comme il a dit dans le Coran, yufuna bin nadri. Il a vanté certains gens, il a dit yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Il a dit, quand ils ont fait un vœu, ils l'ont fait. Et il y a le deuxième qu'Allah Azza wa Jalla n'aime pas, c'est makruh. C'est makruh. Il n'aime pas, Allah Azza wa Jalla n'aime pas le makruh parce qu'il nous a dit de ne pas le faire, ça, sans insistance. Pour ceux qui étaient avec nous dans Usul Fiqh. Le deuxième, c'est quoi? C'est quand tu le fais en contrepartie. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, je fais un vœu, si tu me guéris, je vais faire le jeûne un mois. Et Allah ta'ala, si tu me guéris mon fils, je vais donner 1000 euros. Allah ta'ala, si ma fille va réussir au baccalauréat, je fais ceci. Ça, c'est un vœu que Allah Azza wa Jalla n'aime pas. Vous savez pourquoi? Parce que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama yustakhraju minhu al-bakhil. Ça veut dire que tu as fait une contrepartie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, si tu me fais cela, moi je fais cela. Si tu me guéris mon fils, moi je fais. Hein. Si ma fille réussit au bac, moi je fais. Ça veut dire, si elle ne réussit pas, je ne fais pas. Si tu ne me guéris pas, je ne fais pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Si tu veux faire le nadr, le vœu, naam, si tu veux le faire, fais-le sans condition. Pour le visage d'Allah, directement, sans contrepartie. Je fais un vœu que je vais ce mois je vais jeûner 10 jours consécutifs. Ça, Allah Azza wa Jalla l'aime. Mais l'autre en contrepartie, non. Ensuite, il parle de... la quatrième sorte, j'avais dit, premièrement, jeûne du Ramadan. Deuxièmement, kafarat, quand on fait des fautes, etc. Kafarat. Troisièmement, nadr, le vœu. Quatrièmement, tatawwu', nafila. Nafila, sans, yani, tu fais comme ça un lundi, un jeudi, l'Ashura, Tessoua, Arafat, etc. Ça s'appelle nafila, somme nafila. Hukmuhu, premièrement, hukmu somme Ramadan. Hukmu somme Ramadan. Premièrement, vous savez que huwa rukn min arkan din. Ce n'est pas seulement wajib, mais c'est encore plus. C'est rukn. Rukn, il y a 5 grands piliers. Le siyam, c'est l'un des 5 grands piliers. C'est l'un des 5 grands piliers. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala 'azza wa jalla wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islam 'ala khams. L'islam est basé sur 5. Shahadatu la ilaha illallah Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tu as tasku Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui ce qui mérite l'adoration, et que Muhammad alayhi wa sallam, c'est son prophète. Iqam salat, la prière. Ita zakat, tu fais sortir l'argent de la zakat. Al hajj, pour celui qui peut. Et zakat, pour celui qui a de l'argent. Et somme ramadan. Donc le somme est rentré dans ramadan. Non. Maintenant, celui qui ne fait pas le ramadan, les salafs disaient que c'était un zindiq. C'était un zindiq. Yani, on appelle quelqu'un qui ne fait pas le siyam, on dit celui-là, c'est un zindiq. Yani, il n'a pas beaucoup de ressemblance avec les musulmans, le zindiq. Et vous devez savoir que quiconque ne fait pas un jour du ramadan, un jour, un seul jour, pas 10 jours, un seul jour, il ne veut pas jeûner sans raison, je dis bien sans raison, pour ne pas parler du malade, etc. Je dis sans raison. Il ne jeûne pas un seul jour, c'est pas la peine après d'aller quoi? D'aller jeûner 20 jours ou la 30 jours ou la 60 jours à sa place. C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tu l'as fait sans cause. Quand on jeûne à la place, c'est quand on n'a pas jeûné et on avait des conditions. On était malade, on était en voyage, on a des raisons. Mais sans raison, c'est pas la peine d'essayer de le faire après. C'est pas la peine. Car Abdullah ibn Mas'ud a dit, comme dans le hadith de Ibn Musannaf ibn Abi Shayba, il a dit: Men aftara yawman min Ramadan, quiconque a mangé un jour du Ramadan, min ghayri rukhsa, sans permission, lam yujzihi siyam ad-dahr kullih. Yani même s'il va faire toute sa vie le jeûne, il ne va pas être accepté à la place du jour qu'il a mangé. Et la même chose, an Ali radiyallahu ta'ala anhu, Ali Abi radiyallahu ta'ala anhu, man aftara yawman min Ramadan muta'ammidan. Quiconque a mangé un jour du Ramadan sans cause, لم يقضيه أبدا طول الدهر. يعني même s'il va faire toute sa vie, il va dire pour rattraper, je vais faire toute ma vie le carême, le jeûne, يعني c'est pas la peine, parce que il ne va pas être à la place du jour que tu as mangé. C'est-à-dire quoi? Tellement c'est important. Car comme je vous ai dit, siyam hada siyam, je vous ai dit une fois que les adorations se divisaient en plusieurs groupes. L'un des groupes, c'est qu'il y a des adorations temporaires qui marchent avec le temps, momentanées, elles ont des moments, elles ont des heures, et il y a d'autres qui n'ont pas. Par exemple, la salat, la prière et le jeûne, ce sont temporaires, ils ont un temps. Tu ne peux pas faire avant le temps, tu ne peux pas faire après le temps. Maintenant, moi qui suis assis ici, en train de vous parler, je ne peux pas faire la prière du matin, du sobre. Pourquoi? Parce que l'heure n'est pas rentrée. Et si je laisse ma prière sortir du matin sans raison, je reste en train de jouer, je ne sais pas à quoi, jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est pas la peine de la faire après. Pourquoi? Parce que comme elle n'est pas valable avant l'heure, elle n'est pas valable après l'heure. La même chose le siyam. Le siyam, il y a celui qui est temporaire, le ramadan, il y a l'autre qui n'est pas temporaire, tu le fais quand tu veux. Ce lundi, l'autre comme je veux, je fais, je fais pas. Mais celui du Ramadan, il a des moments, il a un mois qui s'appelle le Ramadan. Si tu le fais pas pendant ce mois sans raison, c'est pas la peine de le faire après. Pourquoi? C'est comme la salat. Il a un moment qui commence, un moment il s'arrête. Maintenant, est-ce que moi je peux commencer maintenant le Ramadan? Je vais dire bon, moi je vais peut-être voyager, allez, je fais maintenant le Ramadan un mois. C'est pas possible. Pourquoi? Son moment n'est pas venu. Maintenant, la même chose, si tu manges un jour, c'est pas la peine de le faire après. Pourquoi? Son moment est terminé. C'est une adoration qui a des moments mu'akkata. Ça s'appelle l'wajib mu'akkat. Il y a l'wajib mutlaq et il y a l'wajib mu'akkat. Andu waqt mu'ayyan. Andu waqt. La yassih qablahu, la yassih ba'dahu. C'est pour ça que nous, on dit toujours, que quiconque laisse une prière, une seule, sans la faire, sans raison, c'est pas la peine qu'il la fasse après ou là quand il va à la maison ou là, c'est pas la peine. Si tu entends par exemple le adhan du asr, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est salat al-asr. Ensuite tu le fais pas jusqu'à ce qu'il fait la prière, l'appel du maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est le maghrib. Donc tu avais 2 heures ou 3 heures d'après les pays, etc. pour faire la prière du asr. Tu l'as pas faite sans raison. Qu'est-ce que ça veut dire sans raison? Tu savais que c'était l'asr et tu as dit laisse tomber, laisse la nuit, laisse demain. Celle-là, je te donne conseil, c'est pas la peine de la faire. Ce n'est pas la peine, parce que pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas acceptée. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, a dit Cheikh Al-Albani, a dit Cheikh Ibn Hazm, beaucoup d'ulama. Pourquoi? Parce qu'elle a un moment où il faut la faire. Toutes les prières ont un moment. Si tu laisses le son moment, son heure, c'est pas la peine de la faire. C'est pour ça qu'on dit toujours à ceux qui n'avaient pas fait la prière autrefois, et ils ont commencé à pratiquer, par exemple à l'âge de 30 ans, il a commencé à pratiquer aux 40 ans. Il n'a pas fait la prière depuis sa naissance. Ou bien il l'a fait un mois, il l'a laissé. Ensuite, il faisait 15 jours, il l'a laissé, etc. Maintenant, il a 30 ans, il a dit, je vais faire le vrai repentir, je ne vais plus laisser la prière passer. Celui-là, on lui dit, Inch'Allah, ce n'est pas la peine d'aller faire ce que tu n'as pas fait avant les 30 ans. Ce n'est pas la peine de te fatiguer, Inch'Allah Ta'ala. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la nafila, c'est rawatib, c'est les 12 raka, etc. C'est les nafilettes. Pourquoi? Parce que la salat c'est une prière qui dépend du temps. Naam, la salat c'est une prière qui dépend du temps. On lui dit, il y a un hadith qui dit Yom al-Qiyama, Allah Azza wa Jalla commence par la salat, vous savez. Yom al-Qiyama, Allah Azza wa Jalla, la première des choses, il se dit, donne-moi la salat. S'il ne trouve pas, khlas. S'il ne trouve pas, c'est pas la peine d'en parler. Hein. Maintenant, c'est à peu près. Tu vas à l'aéroport pour faire un voyage, tu arrives à l'aéroport, la première chose c'est quoi? C'est le passeport. Toi tu n'as pas le passeport, et tu veux yani trouver des excuses, j'ai ceci, j'ai la carte Visa, j'ai la carte CDA, j'ai ceci, j'ai... Tu n'as rien, donne-moi le passeport, ensuite on va voir les autres choses, la carte de l'armée, etc. Commençons par le passeport, c'est la chose la plus importante à l'aéroport. La même chose ici, donne-moi d'abord la salat c'est une relation entre toi et Allah, donne-moi la preuve qu'il y avait une relation entre toi et moi, donne-moi la salat. S'il n'y a pas la salat, c'est pas la peine de parler. Maintenant, s'il y a la salat, c'est pas sûr qu'elle était à l'heure, c'est pas sûr qu'elle était bien, c'est pas sûr qu'elle était avec le khushu', c'est pas sûr qu'elle était avec la concentration, c'est pas sûr qu'elle était avec un bon wudu', c'est pas sûr beaucoup de choses. Donc, il va trouver dans cette salat plein de défauts et plein de trous. Là, l'Azim dira, regardez, il dira aux anges, regardez mon serviteur celui-là, s'il a quelques nawafil, s'il a des prières surérogatoires et nafila. Si tu as un nafila, ce jour-là, tu diras Alhamdulillah, Alhamdulillah, que je faisais le nafila. Alhamdulillah. Les gens qui ne font pas la nafila ce jour-là, ils vont beaucoup regretter. Ils n'ont pas, hein, ils t'apportent un vêtement troué et tu n'as pas avec quoi le coudre. Les trous comme ça, comment tu vas faire plein de trous. Mais la nafila, c'est comme on va te ramener un drap ou là, comment ça s'appelle, du même tissu que la robe a détrouée. Ensuite, tu enlèves de ce drap là et tu couds à l'intérieur. On mettra la robe va être nouvelle et de nouveau, va être neuve de nouveau. Donc, celui qui fait la prière, qui n'a pas fait autrefois, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, Wallah, de préférence, fais la nafila. Parce qu'on lui dit, tu sais ce que tu es en train de te dire? Il va nous dire, qu'est-ce que je suis en train de. On lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il nous dit, je suis en train de faire l'obligatoire que j'ai pas fait autrefois. C'est quoi l'obligatoire? Il va nous dire, la prière n'est pas obligatoire. Je ne l'ai pas faite. On lui dit, barakallahu fik. L'obligatoire, c'est pas la prière seulement. C'est deux choses. C'est la prière, c'est-à-dire la première obligation. La deuxième, c'est que tu la fasses à l'heure. À quoi ça sert maintenant? Tu la fais pas à l'heure. Allah Azza wa Jal voulait de toi, que tu n'oublies pas Allah subhanahu wa ta'ala. Que dès que l'heure arrive, tu laisses ton travail, tu laisses ta femme, tu laisses les enfants, tu laisses la voiture et tu vas faire la prière. Donc, inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Maintenant, tu as fait une seule chose, tu as fait la prière et tu ne l'as pas faite à l'heure. Tu as fait un wajib, tu as fait une obligation et tu as laissé la deuxième obligation qui est très importante, qui s'appelle l'heure. Vous savez, quand je donne rendez-vous à quelqu'un, moi, j'ai besoin de lui, je lui donne rendez-vous, par exemple, disons aujourd'hui ou là le 6 juillet ou là 6 juillet Ahmed Rana 6 juillet ou Rosh Rana Fchal Farfcharan 6 août, pardon, il y a mon fils ici, il me dit 6 août, le 7, pardon. Je donne rendez-vous à quelqu'un le 7 août. Naam, je donne, pardon. Naam, 6 août, pardon. Je donne rendez-vous à quelqu'un le 6 ou là le 7 août, demain par exemple, chose très importante. Il doit me ramener quelque chose. Maintenant, il va me ramener cette chose, quand est-ce? Dans 20 ans. Dans 20 ans, il va venir frapper à la porte. Salam alaikum, comment vas-tu? Je t'ai ramené la chose. Moi, je t'ai demandé celle-là il y a 20 ans, pas maintenant. J'ai demandé, je l'avais besoin le tel jour, pas maintenant. La même chose, la salat. Si tu l'as fait à l'heure, ça, tu as fait l'obligation. Tu l'as fait sortir de l'heure si tu as des causes. Alhamdulillah, si tu n'as pas de cause, elle n'est pas acceptée. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le repentir et tu dis beaucoup astaghfirullah azza wa jal. Ensuite, j'avais dit, naam. Donc, on a dit que siyam, c'est obligatoire. C'est un rokn. Seulement obligatoire, mais c'est aussi un rokn. Qu'est-ce qui se passe exactement dans Shahr al-Ramadan? Qu'est-ce qui se passe exactement? قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تفتح فيه ابواب الجنه spécialement le ramadan, ce mois là c'est un mois عظيم عند الله, عظيم, très important. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses, entre autres, qu'est-ce qu'il y a? تفتح فيه ابواب الجنه, toutes les huit portes du paradis s'ouvriront. Vous savez que le paradis existe maintenant, il a été créé, ça fait des milliards d'années il existe, mais les portes sont fermées. Car le premier à qui on ouvrira, ce sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Azza wa Jal ouvre ses portes le ramadan. C'est comme s'il voulait dire que quiconque meurt en plein ramadan, meurt pieux, en ce mois, il trouvera les portes déjà ouvertes, alhamdoulilah. Les portes sont ouvertes. Ce que tu fais, inshallah ta'ala, il sera accepté. Ce que tu donnes comme argent. Pourquoi les portes sont ouvertes? C'est pas comme dans les autres mois. Il a une grande particularité. Les portes sont ouvertes du paradis. Les portes de l'enfer sont fermées. Parce que dans tous les autres mois, elles sont ouvertes. C'est le contraire. Dans tous les autres mois, les portes de l'enfer sont ouvertes. Elles sont sept, mais au mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala les ferme. Il donne un ordre aux anges de fermer les portes de l'enfer. وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ. Et dans un autre hadith, وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ. Et les shaytans, les shayatins, les diables, vous savez, on a les grands et on a les simples, les petits. Les grands chefs, ceux-là, le marada, qu'on appelle, ceux-là, l'azawdil, les enchaîne, naam. Il y a les grands chefs et il y a les petits. C'est pour ça, des fois, que tu fais ruqya à quelqu'un, tu trouves chez lui quelqu'un qui est un grand. C'est difficile à faire sortir. Il te faut un mois, deux mois, trois mois avec la ruqya tous les soirs, et peut-être tu réussis ou tu réussis pas. Mais il y a les simples, dès que tu arrives, on t'ouvre la porte, déjà le djinn il commence à trembler dans la femme ou là dans l'homme. Déjà il commence à trembler, il commence à crier que je vais sortir. C'est un peu heureux, il n'a rien, c'est un peu heureux. Il y a d'autres, non, ils n'ont pas peur, ce sont les grands chefs, les grands mafias, la grande mafia des djinns. Allah subhanahu wa ta'ala afiya. Ceux-là, Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il fait? Il les enchaîne. C'est pour ça que certains gens disent, subhanallah al-azim, comment en plein Ramadan, il y a un hadith qui dit que les shayatins, Allah azza wa jalla les enchaîne. Et comment en plein Ramadan, il y a des gens qui sont frappés par les shaytans? Naam, qu'est-ce qui t'a dit qu'ils ne vont pas te frapper? Moi je te dis encore une chose pire, je te dis que pendant le Ramadan, peut-être des gens sont frappés plus. Naam, des gens sont frappés pendant le Ramadan, pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que Allah azza wa jalla va enchaîner tous les shayatins. Il a dit qu'il va enchaîner les grands chefs. Mais les petits, ils sont toujours là en train d'essayer de faire du mal. C'est comme ça qu'a dit le hadith. Le hadith n'a pas dit tous les shayatins pour qu'on dise qu'il y a contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il a dit maradet ou shayatin. Les grands chefs, on va les enchaîner. Ensuite, il reste les petits. Maintenant, supposons que Allah azza wa jalla ait dit ici dans ce hadith, que le prophète ait dit, supposition, supposons qu'il ait dit que tous les shayatins vont être enchaînés. Ensuite, on voit des gens qui sont frappés en plein Ramadan. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a contradiction. Astaghfirullah. Le prophète dit quelque chose qui se contredit. Ma'adallah. Si on dit ça, on va rentrer dans le coffre. Ça, c'est peut-être un chrétien ou là quelqu'un qui a du doute. Là, il va dire cela. On va lui dire, écoute, mon fils. Premièrement, c'est pas tous les shaytans, mais pas seulement pour parler, pour dialoguer un peu, supposons que tous les shayatins soient enchaînés. Et dis-moi, mon frère, les shaytans, quand il est enchaîné, il ne peut pas faire du mal, hein? Prends quelqu'un, mets-lui les chaînes dans la main, hein? Enchaîne-lui les deux mains. Il ne peut pas, avec les deux mains enchaînées, te donner un coup au visage, avec les mains enchaînées. Il ne peut pas te frapper avec le coude et te faire tomber. Avec les deux mains enchaînées, il ne peut pas se donner un coup de poing en plein visage. Il peut. C'est-à-dire, si on supposait que tout s'était enchaîné. Et là, nous, on a dit, alhamdoulilah, il y a sauf les grands shaitans, les grands diables hindous qui seront enchaînés. Ensuite, il a dit, tughallu fihi shayatin, dans un autre hadith, maradatu shayatin, les grands chefs, wa yunadi munadin kulla layla. Regardez cette particularité aussi. Chaque nuit, il y a quelqu'un, un ange bien sûr, qui il n'a dit, hein, il appelle, qu'est-ce qu'il dit? Ya bari el khayr, l'umma, oh toi celui qui veut du bien, il vient et profite pendant ce mois. Ya wa ya bari el shar akhsar, et toi qui veux faire du mal, sirah, arrête pendant ce mois. Vous savez, pendant ce mois, les ulama disent, la hasana, elle se multiplie, elle se devient beaucoup, très nombreuse. Et la CIA, le péché aussi, il devient très grave ce mois-là. Naam, un péché au mois de Ramadan, comme a dit Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah, c'est pas comme un péché qui est hors Ramadan. Hein? Quelqu'un qui fait un mensonge hors Ramadan, c'est pas quand il ment le Ramadan. Quelqu'un qui regarda une femme dans un autre mois, c'est haram, ce n'est pas comme il regarde une femme pendant le Ramadan. ses des péchés et des hasanat hein, se multiplient pendant ce mois. Ensuite, ensuite il va parler ici de quoi? Non, pardon. At-tarhib min fitr fi Ramadan. Il va donner un délit que yani, manger pendant le Ramadan, c'est très grave. Manger, ne pas faire le carême, c'est très grave عند Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Abi Umam al-Bahili, il y a un compagnon radiallahu ta'ala qui s'appelle Abu Umam al-Bahili, il a dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Baina ana na'im atani rajulan, pendant que j'étais en train de dormir, deux hommes me sont venus, c'est-à-dire en songe. فَأَخَذَا بِضَبْعِي, ils m'ont pris par-dessus l'aisselle, par-dessus mon aisselle, un par la droite, l'autre il m'a pris par la gauche. فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعِرًا, ensuite ils m'ont amené devant une montagne difficile à grimper. فَقَالَا إِسْعَدْ, ils m'ont dit monte, yani grimpe, escalade la montagne. فَقُلْتُ إِنِّي لَا أُطِيقُهُ, oh subhanallah, la montagne elle, je ne peux pas la monter moi, elle est difficile. قَالَا إِنَّا سَنُسَهِلُهُ لَكَ, ils ont dit maintenant inchallah ta'ala on va te faciliter l'escalade. قَالَ فَصَعِدْتُ, je suis monté حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَى الْجَبَلِ, jusqu'à ce que je sois arrivé à la tête ou bien au milieu. Le doute c'est deux mois. Il a dit إِذَا بِأَصْوَاتِ شَدِيدًا, alors j'ai commencé à entendre des voix yani très fortes, des cris. أَصْوَاتِ شَدِيدًا قُلْتُ مَا هَذِي الْأَصْوَاتِ, c'est quoi ces cris là, j'ai demandé aux deux anges c'est quoi ces cris. قَالُوا هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ, il a dit ceux qui entendent là ce sont les cris de ceux qui sont en enfer. Ceux qui sont en enfer, bien sûr ils vont pas rire en enfer, ils vont pleurer, ils vont crier yani de toute leur force. Il a dit ثُمَّنْ طُلِقَ بِي, oh ثُمَّنْ طَلَقَ بِي, ensuite ils ont encore marché, ils m'ont fait marcher. فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ, jusqu'à ce que je sois arrivé devant des gens attachés par leurs pieds, exactement attachés par leurs talons. Quand vous voyez yani les chevilles, derrière les chevilles il y a un gros nerf qui est par derrière, au-dessus des talons, derrière les chevilles, attaché par là, comme lorsqu'on attache un mouton hein, lorsqu'on y enlève le jour de l'aïd, et on l'attache en haut, il a dit des gens attachés leur tête vers le bas. Mushaqqaqatun ashdaquhum, ensuite il a dit regardez la bouche, notre bouche, quand je rentre mes doigts l'un à droite et l'autre à gauche, comme je veux ouvrir ma bouche beaucoup hein. C'est comme si je voulais déchirer le tendon, le tendon attaché par les tendons. C'est comme il a dit ensuite ils avaient yani je disais la bouche hein, quand on rentre un doigt à droite et un doigt à gauche par exemple, on veut tirer vers l'oreille droite, vers l'oreille gauche, c'est difficile, il y a des limites, sinon on va déchirer les lèvres, on va déchirer yani, la bouche. Il a dit ceux-là avaient la bouche déchirée par la droite, déchirée par la gauche, tassilu ajdat mundamman, et les lèvres comme ça en train de couler de sang. Faqultu man ha'ula'i, j'ai dit qui sont ceux-là yani, je ne les ai pas connus. Qala, il a répondu l'un des anges, الذين يفطرون قبل تحلة صومهم, ceux-là sont ceux qui mangeaient avant la fin du jour. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Seulement ils mangeaient avant la fin du jour. Ça veut dire ils faisaient le jeûne, ils restaient une heure là, ils disaient oh là moi je suis fatigué, laisse-moi manger, allez. Ils mangeaient. Alors qu'en est-il de ceux qui ne font pas du tout le jeûne? Ceux-là, ils restaient seulement un temps, ils mangeaient. Qu'en est-il de celui qui ne fait jamais le carême, il n'est pas intéressé? Et beaucoup se disent musulmans et ils ne le font pas. Beaucoup se disent musulmans et mal asaf, ils ne le font pas. J'ai même une fois parlé avec quelqu'un, je lui dis pourquoi toi tu manges? Il m'a dit oh là, j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était facile. Alors je me suis dit c'est pas la peine de le faire, il est facile. J'ai essayé, alhamdoulilah, je peux. Donc puisque je peux, c'est pas la peine de le faire. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est quelqu'un qui me l'a dit. Pourquoi tu fais pas? Il m'a dit oh là, j'ai essayé une ou deux fois, alhamdoulilah, j'ai pu, je peux, khlas, alhamdoulilah. Donc c'est pas la peine de le faire. Non, les gens qui comprennent pas, yani, quelle est la hikma, quelle est la sagesse de ce jeune, etc. Il croit que celui-là, qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que c'est une épreuve ou un test, c'est un supplice pour voir si vous pouvez le faire ou vous ne pouvez pas. Celui-là, il a essayé le supplice, il l'a fait. Il a réussi à la classe. Moi, j'ai réussi le supplice, là, je l'ai fait, j'ai gagné. Classe, c'est pas la fin de le faire. Ensuite, il va parler de d'autres choses. Il va dire Idara al-Hilal ou Ahlu Baladin. هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟ Il a dit, maintenant, si dans un pays on a vu la lune, est-ce que tous les pays musulmans doivent faire le jeûne avec le pays qui a vu la lune, ou bien chaque pays yani fera le jeûne avec son pays lui-même? Bien sûr, il y a un débat ici très long et très large avec beaucoup de détails. Je vous donne seulement le résumé, je vous donne le beurre. Vous donne le beurre seulement, la crème, comme on dit. Vous donne le résumé, pas la peine d'entrer dans tous les détails. Celui qui veut entrer dans les détails, qu'il lise les livres du fiqh, il y a tous les détails là-bas. Je vous dirai que il y a deux grandes écoles. Une école qui dit, si un pays musulman voit la lune, tous les pays du monde doivent faire le carême avec ce pays. Et le deuxième avis qui dit non, chaque pays doit faire le carême à lui-même seulement, les autres pays non. Avant cela, on doit dire quelque chose. Premièrement, s'il y a ce qu'on appelle le khalifa, il y a le khalifa comme au temps de Omar ibn Khattab par exemple, radiallahu ta'ala anhu, au temps de Abu Bakr, etc., quelqu'un au temps de Omar, Uthman, Ali, il y a quelqu'un qui commande tous les musulmans du monde. Quelqu'un qui commande, le seul, par exemple, qui se trouve à Médine, il commande en Algérie, il commande au Pakistan, il commande yani, tous les pays musulmans du monde. Il s'appelle le Khalifa. Celui-là, s'il dit, on a vu la lune, ou là dans un autre pays musulman, on l'a vu, ensuite lui il décide, il dit, demain c'est le carême, on doit commencer, tout le monde doit commencer avec lui. Donc s'il y a le Khalifa décide, il dit, voilà, on m'a téléphoné de tel pays qu'ils ont vu. Donc demain, inchallah, il parle à la télé. Demain, inchallah, tout le monde fera le carême, c'est le ramadan. Tout le monde doit faire. Quiconque dira, non, moi, il est loin de moi, je fais dans mon pays, etc. Celui-là, il a fait un grand péché. Pourquoi? Parce qu'il doit suivre le khalifa quand il prend une décision pareille. Maintenant, s'il n'y a pas le khalifa, et qu'il y a, par exemple, deux pays ou les trois pays, qui se suivent, ils sont collés à eux de façon à ce que ils ont presque les mêmes horaires, même dans la prière. Quand il y a le dhuhr ici, il y a le dhuhr là-bas. Quand il y a l'asr ici, il y a l'asr là-bas. Ceux-là, si quelqu'un voit les autres, ils font le carême avec eux. Pourquoi? Parce que les trois pays ou là, les quatre collés, ils ont la même, ils ont les levées et les couchers du soleil et de la lune sont les mêmes dans les trois ou quatre pays qui sont collés. Ceux-là aussi. Si quelqu'un voit, les autres ils font avec lui. Et maintenant, on va parler d'un pays qui est détaché. Un pays qui est détaché des autres. Yani, ils ne sont pas collés et ils n'ont pas les mêmes horaires. Ils n'ont pas les mêmes horaires. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, et Cheikh Al-Albani, ils ont dit, bien sûr, si, de préférence, si on pouvait, on faisait tous le carême, tous le même jour, si on pouvait. Cheikh Al-Albani a dit, maintenant c'est facile. Il a dit, il y a le téléphone, il y a l'internet, il y a tout. Et on peut dire très vite à tous les pays du monde que c'est demain Ramadan. Il a dit, il suffit qu'ils s'unissent, les gouverneurs, il suffit qu'ils s'unissent pour prendre une décision à l'unanimité. Il a dit, mais puisqu'ils ne veulent pas s'unir, ceux-là, ils ne veulent pas s'unir, donc chacun fera pour son pays. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ça c'est le plus juste. Que chacun fasse avec son pays seulement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le khilafa, pas le khalifa, chacun fait avec son pays. Celui qui est en Algérie, c'est pas la peine qu'il voit le Maroc ou la France ou là ailleurs. Il attend à ce que Shu'un Diniya en Algérie dise c'est demain Ramadan. Maintenant, si c'est demain ou l'après-demain, ou là ils ont menti, ou là ils n'ont pas vu, ou là ils ont vu un ballon, ils ont dit c'est la lune, ça, tout ça, tu n'as rien à voir toi. Toi, tu fais seulement quand ils disent. Si c'est le Ramadan, Alhamdulillah, si c'est pas lui, pour toi, chez Allah, tu as fait le Ramadan. Ce sont eux qui vont aller en enfer. Toi, quand le gouvernant musulman dit demain c'est Ramadan, toi tu commences le demain. Si c'était vraiment demain, Alhamdulillah, si c'est pas demain, il a menti, ou là pour une raison, ou là je sais pas quoi, à cause de la politique, il a dit demain, toi tu t'en fous. Toi il a dit demain, moi je fais demain. Car il y a un hadith qui dit dans ce sens. Somme, yawma yasumun nas, wal fitr yawma yufitrun nas, wal adha yawma yadhahin nas. C'est comme ça qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le Cheikh ibn Uthaymeen a dit, c'est le plus arjah, c'est l'arjah que chacun fasse avec son pays. Pour deux choses. Premièrement, il a dit, comme les couchers et les levées des soleils diffèrent de mon pays à un autre pays, la même chose en ce qui concerne le coucher et le lever de la lune. Moi, quand c'est le dhar en Algérie, quand c'est le dhar au Koweït, c'est le maghreb. C'est presque le maghreb. Donc il y a une grande différence entre le lever et le coucher du soleil. Il a dit la même chose, il y a une différence entre le lever et le coucher de la lune. De la lune. Car celui du soleil, il est quotidien, celui de la lune, il est mensuel, une fois par mois. Et ils marchent tous avec des calculs. « Au shamsu wal qamaru bi husban » Allah a dit dans le Coran, « Shams, le soleil, le qamar et la lune, bi husban » avec des calculs. Tous, ce sont avec des calculs. Ils marchent avec des calculs, yani, qui ne se trompent jamais. Donc, puisqu'on n'est pas, on n'a pas les mêmes levées, les mêmes couchers, je ne vois pas pourquoi je vais faire moi le jeûne avec un autre pays. C'est-à-dire la première raison. La deuxième raison, pour qu'il y ait convergence et il n'y ait pas de divergence. Quand il y a divergence dans un même pays, ça donne la fawda. Là, ça, nous on l'a vécu en Algérie. Moi aujourd'hui, par exemple, j'ai pas jeûné, celui qui est au-dessus de moi, il a jeûné, celui qui est au troisième, il n'a pas jeûné, celui qui est au quatrième, il a jeûné. Moi j'ai jeûné, ma femme n'a pas jeûné, mon fils a jeûné, mon oncle n'a pas jeûné, et c'est des grandes machettes. Attends, on mange par groupe. Moi je mange X de mes enfants. Ensuite c'est ma femme avec Y. Donc tout ça, c'est quoi? C'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit une fois? Il a vu les sahaba radiallahu ta'ala, ils sont descendus comme ça de voyage, ils se sont assis, ouahad à droite, ouahad à gauche, ouahad sous un arbre, ouahad un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna tafarruqakum hada min shaytan. Il a dit, votre dispersion, celle-là, c'est celle du shaytan, c'est le shaytan qui aime cela. C'est-à-dire, on devait être en groupe. Même assis comme ça, on devait être en groupe. Alors, qu'en est-il dans les adorations, dans les ibadat? Subhanallah al-Azim, celui-là il fait le jeûne, moi je ne fais pas, on est dans un même pays, moi je ne comprends pas, donc est-ce que moi j'ai une religion, lui il a une autre, est-ce que moi j'ai un dieu, lui il a un autre, moi j'ai un prophète, lui il a un autre, donc on n'a pas yani, la même religion, là c'est quoi? Donc chacun fait dans son pays, ne cherche pas les autres pays, ne cherche pas Kadi Saoudia ou la Kadi Emirat ou là, toi regarde le pays où tu es, quand ils diront c'est le Ramadan, tu commences. S'ils ont dit juste, Alhamdulillah, s'ils ont dit faux, Alhamdulillah pour toi, et malheur à eux qui ont menti. Malheur à eux qui ont menti, c'est eux qui vont avoir de grands problèmes demain lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et hada, pour yani tellement Allah azza wa jalla aime l'union surtout dans les adorations, surtout dans les grandes adorations, comme les cinq piliers. Le Ramadan c'est un pilier. Donc Allah azza wa jalla aime l'union surtout dans les piliers. Ouais, il aime l'union en général des croyants. Et dans les piliers, il l'aime beaucoup plus. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, vous connaissez le compagnon de Jalil, radiallahu ta'ala anhu, qui ne connaît pas Abdullah ibn Mas'ud, et la science que Allah lui a donnée, il a vu une fois, Uthman ibn Affan, il l'a vu, quand il est parti à Minan, il l'a vu faire la prière 4 au lieu de 2. Alors, il lui a dit, pardon, il y a Uthman ibn Affan, mais, la prière, normalement, on fait 2. Je voyais le prophète, quand il venait ici, il faisait 2. Il ne faisait pas 4. Bien sûr, Uthman ibn Affan a donné ses raisons. Ses raisons, c'est que quoi? C'est que les gens, quand ils l'ont vu faire comme ça, les gens qui sont venus de loin, hein, l'arabe, qui ne connaissent pas la religion, etc., ils ont cru que, donc, le dhuhr et le asr, on le fait toujours 2. Donc, il a eu peur, il a dit, moi, je fais 4. Il y a des gens qui viennent à droite à gauche, qui ne connaissent pas la religion. Ils vont croire que la prière c'est toujours 2. Donc il avait des raisons de le faire. Mais qu'est-ce qui a rapport avec le dars? C'est Abdullah ibn Mas'ud. Quand il a dit à Uthman ibn Affan, pourquoi tu fais deux? Faut pas faire deux. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Abdullah ibn Mas'ud, il a fait la prière avec Uthman, radiallahu ta'ala, ou quatre. Subhanallah l'adim. Tu dis à quelqu'un, pourquoi tu fais quatre? Ensuite, lui il fait quatre, toi tu fais quatre. Alors on a dit à Abdullah ibn Mas'ud, on lui a dit, subhanallah, tu as dit, pourquoi tu fais quatre et toi tu as fait quatre? Il a dit, al-khilaf ou char. Voilà ce qui a rapport avec le daf. Al-khilaf. La désunion a dit, char, c'est un mal. Khilaf. La divergence. Char, naam. Donc Abdullah ibn Mas'ud, en son cœur, il dit que cette salate, c'est pas la vraie. La vraie, on doit faire deux. Mais à cause de, il n'aime pas la divergence, à cause qu'il aime l'union et la convergence, il a fait quatre. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, nous qui n'avons ni science ni rien, nous on est des ignorants, et quand on va par exemple à Mecca ou à n'importe quel mont, par exemple moi, je suis de ceux qui disent je ne fais que 13, comme a dit Cheikh Al-Albani rahmatullah. Et tu vas à Mecca, ils font 20. Ils trouvent des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ya khoya, la 13e ils sortent. Pourquoi tu sors toi la 13e? Pourquoi tu fais pas comme Abdullah ibn Abbas et tu dis la divergence, c'est-à-dire char, c'est un mal? Pourquoi tu fais pas pour faire l'union? Pourquoi tu fais pas? Ceux qui ont dit 13, 20, ils ont tiré de la tête. Tu vas me dire le hadith de Abdullah ibn Omar ou de Omar, il est faible. Il est faible, ça? Mais pour lui, est-ce qu'il est faible? Pour lui, est-ce qu'il a dit c'est un faible et je marche? Pour lui, c'est un hadith qui est vrai, qui est sahih. Donc tu marches avec son intention lui. Sinon, car on doit suivre l'imam avec ce qu'il a pensé lui, pas ce qu'on pense nous. Sinon, moi je fais la salate derrière quelqu'un, par exemple, derrière quelqu'un qui dit, par exemple, que quelque chose, par exemple, tu manges, par exemple, moi je dis que celui qui mange le chameau, il doit faire le wudu. Il doit faire le wudu. Les ablutions, on l'a fait ça. Maintenant, je fais la prière derrière un imam qui dit que ce n'est pas obligé. Alors maintenant, l'imam avant a mangé le chameau. Et il va faire la prière. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, non, je ne vais pas faire la prière derrière lui. Il a mangé le chameau, il ne veut pas faire les ablutions. Non, tu fais la prière derrière lui. À cause, premièrement, de l'union. Et deuxièmement, parce que lui, il s'est dit que ça ne s'annule pas. Et Allah Azza wa Jal regarde lui ce qu'il a dit, pas toi. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te guide. Lui, il a dit, le chameau n'annule pas. C'est comme ça dont il est convaincu. Donc tu marches toi avec lui. C'est pour ça qu'on a dit à l'imam Malik, à rahmatullah, on lui a dit quelqu'un qui sort, qui saigne du nez. On lui a dit, comment, il ne fait pas l'oudo, sa salate est sahiha. Sa salate est vraie, il a saigné. Il leur a dit, taqullah, vous voulez annuler la salate derrière Sofiane Thawri et les grands halous? Vous voulez annuler la prière derrière les grands tabi'in? Vous voulez annuler les prières derrière eux? Tout ce... Ceux-là ne voyaient pas que, par exemple, le Seigneur Hada, qu'il fallait faire les ablutions, etc. Inch'Allah ta'ala, il est minuit, exactement, il est minuit chez moi. Pile, je m'arrête là, Inch'Allah ta'ala, dans l'espoir de vous rencontrer, Inch'Allah ta'ala, dans 5 ou 10 minutes, jusqu'à ce temps-là, Allah subhanahu wa ta'ala, an tabqaw ala khair, wa an arakum bi khair, subhanak lahum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك

TV. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut. On doit commencer, inshallah ta'ala. Fais saut. Naam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, pour chercher avec. Je suis en train de chercher avec le programme qui enlève la, qui enlève la publicité. Je suis en train de le chercher ici où est-ce qu'il est. Je l'avais ici sur l'Akhara. Non, je le trouve pas. Non, je suis en train de le chercher. y a un programme hadak spécialement pour les frères et les sœurs pour enlever leur publicité. Non, voilà, je l'ai trouvé maintenant. Alors, copie. Non, c'est un programme spécialement pour enlever la publicité qu'il y a en bas. Après l'avoir, inshallah ta'ala, installé, vous aurez le palto qu'il y a, inshallah ta'ala, blanc comme de la neige. Il n'y a plus rien après, les photos, alors, les photos obscènes, etc. Ceux qui trouvent des difficultés peuvent rentrer directement dans le Google. Alors, Google, tu écris seulement Admuncher. Seulement Admuncher dans le Google. Il va te donner un programme, il te dit est-ce que tu le télécharges. Tu dis d'accord, je le télécharge. Tu cherches un endroit où télécharger pour le trouver après. Tu dis par exemple, je le télécharge ici sur le desktop, par exemple sur le tableau. Voilà, directement, comme ça pour le trouver directement, tu choisis un endroit qui est Bismillahirrahmanirrahim, Rabbul Musallin. Akhi, Mouad, je vais voir s'il est là. Akhi, Abou Mouad. Naam, Abou Mouad 42. Akhi, Abou Mouad 42, quand on a parlé hier du hadith à Fayoursil, tu avais dit qu'il n'y avait pas clair que c'était un prophète. Fayoursil, Fakat, Yursil Ilayhim. Moi, je t'avais dit que Yursil Ilayhim, ça veut dire Yursilu Rasulan, comme l'a dit Cheikh Islam et les autres. Ensuite, j'avais du doute, Alhamdoulilah, mais ensuite, j'étais cherché le hadith où il est clair, il dit, j'envoie un prophète. C'est dans le Sahiha, c'est la Sahiha 1434. C'est la Sahiha 1434. C'est affiché ici. Fayursilu ilayhim rasulan an yadkhulun nar. Fayursilu ilayhim ki rasulan an yadkhulun nar. Donc, il est très clair qu'il envoie rasulan. Mohamed 0504 a dit: Hal yajuz al-amal fi al-bursa lakin dun al-dukhul fi al-asham. Lakin al-qiyam bi siyanat al-baramij wal-ajhiza wal-a'lam. Naam. Si travailler dans la bourse, là, si travailler c'est haram, comme dit Cheikh Al-Albani et les autres, si travailler là-bas est haram, ça devient, tu travailles avec eux dans n'importe quoi, ça devient haram. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ne vous aidez pas en ce qui est ithm, péché, en ce qui est udwan. Hein? Udwan, les choses yani, que j'aime pas, etc. Donc, quand, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un bar, moi, je vais entraider. Moi, je dis, l'alcool est haram. Donc, je travaille pas dans un bar. Ça veut dire, je vais dire, je vends pas l'alcool. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je vais seulement laver les assiettes. Tu laves les assiettes. Ou là, tu laves les verres, tu es rentré à l'intérieur avec eux. Pourquoi? Toi, pourquoi tu laves l'assiette? Tu laves l'assiette pour ensuite aller la poser à quelqu'un qui va manger. Ça, il va pas boire. Et quand il va manger, il va boire en même temps. Donc, tu es rentré avec lui dans le jeu. Tu l'as aidé. Tu l'as aidé à manger pour qu'il boive. Et, la même chose. Tu travailles dans un bar, qu'est-ce que tu essuies seulement la table. La table de qui? De celui qui vient s'asseoir pour prendre de l'alcool. Donc, tu es rentré dans le ithm avec eux. C'est pour ça que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide, inshallah ta'ala, pour trouver un travail qui, inshallah ta'ala, il est halal à 100%. Il est halal à 100%. Mais dit à la bourse, yani, il y a toujours des doutes sur cette khidma parce qu'elle est, yani, beaucoup ont dit c'est haram, bien sûr. Elle est, yani, au moins c'est choubouhet. Une sœur a dit, je vais voir d'abord si elle est là, sinon pourquoi je réponds à quelqu'un qui n'est pas là, une seconde. Hein. Je vais voir si elle est là. Alors, je ne suis même pas sur son pseudo, là. De toute façon, moi je réponds, ah, peut-être qu'elle est là avec un autre pseudo. Je réponds, une sœur a dit, j'ai chez moi un aquarium, il arrive que des poissons meurent. Je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire des poissons morts. dois-je les jeter dans les toilettes ou bien les enterrer? Tu les jettes, mais c'est pas spécialement dans les toilettes. Tu les jettes dans la poubelle. Tu les jettes dans la poubelle et ce n'est pas la peine de les enterrer. Ce n'est pas la peine de les enterrer. On enterre seulement qui? On enterre l'être humain, car c'est une adoration quand on enterre. Et on enterre le kafir, bien sûr. Pourquoi? Parce que pour qu'il ne donne pas l'odeur, etc. Mais ce n'est pas une adoration pour le kafir. Deuxième question. Une sœur avait 6 chatons de 1 mois, dont un a été écrasé par la petite sœur de la sœur contre le mur. Et celui-ci n'est pas mort, il est à la clinique vétérinaire dans un semi-coma en hypothermie. Le médecin n'arrive pas à lui redonner une température normale. Elle demande s'il lui est permis de piquer, donc de tuer le chaton à la demande du médecin. Et de plus, ça lui coûte 30 euros par nuit passé dans la clinique. Je dirais, Allahu ta'ala alam, moi j'ai lu une fois dans les... quand il parlait Bab al-Buyu', quand il parlait des ventes, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, etc. Ensuite, il a parlé de l'animal. Il a dit, quand quelqu'un a un animal, il peut pas, il n'a pas d'argent pour le faire manger. Il a dit, il choisit entre deux choses. Ou bien il le laisse comme ça dans la rue, comme ça abandonné pour que les gens le prennent et il mange seul. Hein, je me désengage de sa responsabilité. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme qui a gardé le chat jusqu'à ce qu'il soit mort de faim. Elle est, bien sûr, il a dit, elle est en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle ne, elle ne lui a donné à manger, ni l'a laissé en liberté pour qu'il mange lui, les souris, etc. Donc c'est pour ça qu'elle était en enfer. Donc, Cheikh Ibn Othaymeen a dit, quand quelqu'un ne peut pas, n'a pas pour faire manger l'animal qu'il a, ou bien il le laisse en liberté, ou bien il l'abat. Je pense que peut-être, en ce sens peut-être, ça s'applique ici. Mais il y a quelque chose de mieux, Allah Ta'ala alam. Piquer, ne pas piquer, toi tu demandes au médecin de te rendre le chat là. Tu te rends le chat, tu le prends à la maison, tu le laisses devant toi, tu lui laisses un peu de lait devant lui, etc. S'il vit, il vit, s'il meurt, il meurt. La râle, c'est pas ta faute. Au lieu de payer 30 euros par jour, 30 euros, je les donne à un mendiant miskin qui n'a pas de quoi manger. Il est plus préférable de lui donner à lui que les donner à un chat. Donc, moi je le prends, redonnez-moi mon chat s'il vous plaît. Je le prends à la maison, je lui achète ce qu'il faut. Et le manger qu'il avait l'habitude de manger, etc. S'il mange, il mange. S'il peut pas, il meurt. La râle, c'est pas de ma faute, moi. Lui, c'est pas de ma faute. Je voudrais demander une chose. On organise une collecte pour un frère, Talib Ilm. Non, c'est un salaire à des 30 euros. Un salaire pour un chat, je donne pas moi pour un chat 30 euros. Je donne, s'il n'y avait pas d'autres nécessités, bien sûr, car quand tu donnes pour un chat, etc., tu as un ajr. Mais pas quand il y a de plus nécessiteux que lui. Alors, il a dit, un frère, il doit aller au Yémen, il a une maladie, la colonne vertébrale, etc. Est-ce qu'on peut lui donner la zakat d'une mail? Est-ce que c'est autorisé? Ce frère malade, Talib Ilm, entre-t-il dans la catégorie des gens autorisés à la recevoir? Naam, inshallah ta'ala, il rentre dans cette catégorie. Comme la question a été posée à Cheikh Ibn Othaymeen Rahmatullah, il a répondu Naam. Il a dit, quelqu'un qui est assis dans une chaise roulante, il n'a pas de quoi se soigner, il a dit Naam. Le soin, c'est une chose mouliha, haja mouliha, c'est une chose dont on a besoin. Et puis pourquoi nous on donne la zakat à quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de quoi manger? Pourquoi? Yani, ne pas manger, c'est plus grave que se soigner. Ce n'est pas plus grave. Se soigner, c'est plus grave que peut-être manger. Je peux ne pas manger et patienter, mais me soigner, je peux pas des fois patienter. Donc, on peut lui donner, inshallah ta'ala, la zakat. Une sœur a dit, ou là, un frère, ou là, j'ai oublié, je suis vos cours depuis quelques temps et j'aimerais, inshallah ta'ala, que vous donniez un conseil aux frères et aux sœurs qui se parlent sur Internet, le Paltok ou MSN. Barakallahu fikum. Naam, je donne un conseil à tous mes frères et mes sœurs qui se parlent entre eux pour leur dire que ce n'est pas permis, inshallah ta'ala, que dans des conditions, yani des conditions un peu serrées. C'est pas comme ça, je n'ai rien à faire, je commence à connecter ou là avec une femme, comment vas-tu, où étais-tu, quand est-ce que, qu'est-ce que tu fais hier, qu'est-ce que tu vas faire demain, comment es-tu habillé, tout ça rentre dans le haram. Pourquoi? ni, ni ma soeur, ni ma femme, ni ma cousine, ni je ne sais pas qui. Donc, mais maintenant, si c'est quelque chose d'obligé, est-ce que tu peux me donner le livre? Est-ce que tu as un livre qui parle de ceci? Est-ce que tu as le dars qui parle de ceci? Nada, inshallah ta'ala, kulluhu, inshallah ta'ala, c'est permis. Mais les autres choses qui ne sont pas permises, il n'y a pas de darura ni de haja, c'est pas la peine de parler avec quelqu'un. Ensuite, l'autre il a dit, alaykoum salam, une sœur qui demande, le mari a-t-il l'obligation de visiter sa belle famille? Ou est-ce juste sa femme qui est soumise au lien du sang? Je veux dire pour ne pas rompre les liens. Naam, la visite c'est seulement pour elle, pas pour lui. Lui, s'il veut ne pas y aller, il ne va pas. Mais, de préférence, il va. Pour y aller, faire plaisir à sa femme, pour y aller, pour l'unition, ou la l'unissant, pour l'unicité. Pour y aller, de préférence, il fait plaisir à sa femme, il fait plaisir à sa belle famille, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La khayra fi man la ya'laf wa la yu'laf. Donc, celui qui n'attire pas les gens vers lui, etc., il a dit, celui-là, la khayra fi. La khayra fi. Donc de préférence, surtout pour faire plaisir à sa femme, car la femme est toujours contente que son mari aille avec elle chez ses parents à elle, etc. Mais question d'obliger, ce n'est pas obligé. Ça veut dire que s'il ne part pas, il n'a pas fait un péché. Il fait un péché quand il ne part pas chez sa mère et chez son père lui, pas sa mère à elle et son père à elle. Ensuite, elle a dit, le visage est-il l'honneur du musulman? A-t-on le droit de gifler sa femme? On n'a pas le droit de gifler ni sa femme ni aucune personne. Surtout sa femme, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé, ya Rasulallah, ma haqqu zawjati ahadina alayh, quel est le droit de la femme sur nous? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, an tut'imaha idha ta'imt, que tu la fasses manger si tu manges toi. Ou an taksuha idha iktasayt, et tu la fasses habiller lorsque tu t'habilles toi. Wala yadrib, il a dit wala tadribu alwajh, et ne frappe pas le visage. Wala tuqabbih, ne dis pas des choses insultes, etc. Qabbahakillah. Wala tahjur illa fil bayt, et si tu ne lui parles pas, etc., mais tu restes quand même dans la maison, dans la même maison. Tu ne lui parles pas, mais dans la même maison. Ça c'est un hadith chez Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah, qui Sahih Abu Daoud, Sahih Abi Daoud. Donc il n'est pas permis de gifler quelqu'un et surtout sa femme, parce que le hadith ici parle spécialement de la femme. Mais en général, on ne gifle pas quelqu'un, et il y a un autre hadith qui dit cela. Elle a dit, peut-on fouetter sa femme? Fouetter n'est-il pas réservé pour les criminels qui par exemple font la zina? Naam, fouetter n'est pas permis. Fouetter n'est pas permis. Ensuite elle dit, en islam, l'homme a le droit de frapper sa femme si elle désobéit. Mais comment doit-il frapper sa femme? Quel conseil peut-on donner aux frères en se basant sur le Coran et la Sunna? Naam, frapper est permis en islam, mais c'est la dernière des choses. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ni sa femme ni quelqu'un, jamais, surtout ses femmes. Il n'a jamais levé la main sur une de ses femmes sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi maintenant tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ma qudwa et tu ne fais pas comme lui? Pourquoi tu dis je l'aime et tu ne fais pas comme lui? Pourquoi lui n'a pas frappé et toi tu frappes? Supposons maintenant que tu veux frapper, ça arrive, tu es très énervé, elle a fait une chose grave, etc. Tu frappes, une façon de frapper غير مبرح. غير مبرح, ça veut dire c'est pas jusqu'à, tu vas lui couler du sang, ou bien lui gonfler les yeux, ou bien lui casser un os, tout ça c'est pas permis. C'est pour ça que certains ulama ont dit, quand on veut frapper sa femme, on la frappe avec le siwak. Le siwak, tu le prends de ta bouche, et tu lui donnes un coup comme ça, sur les épaules ou là. Mais ce n'est pas prendre quelqu'un et le frapper, surtout le fouetter comme ça, comme on fouette un esclave. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très très important, Allah. Ça se voit que c'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tout ce qu'il dit, le plus grand intelligent du monde, il ne peut pas le dire. Les plus grands savants du monde ne peuvent pas dire ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais été à l'école. il a dit un hadith en ce sens, hein, je vous dis son sens, mais il est sahih. Il a dit, comment quelqu'un de vous frappe sa femme comme on frappe un esclave le matin, et le soir il va faire avec elle un rapport. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez qu'est-ce qu'il veut dire sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un veut faire un rapport avec sa femme, ce n'est pas yani, on fait le contraire. Comment veux-tu? Tu frappes quelqu'un, tu le frappes jusqu'à le faire crier, lui faire couler du sang. Ensuite, le soir, tu veux que lui, il accepte qu'il fasse un rapport avec toi. Même s'il accepte, yani, c'est, dans son cœur, il ne veut pas. C'est seulement parce que c'est haram qu'il te laisse. Si tu veux que la femme fasse un rapport avec toi, un rapport bien et parfait, au contraire, il faut faire le contraire. Il faut lui acheter une chaîne, il faut lui acheter de l'or, il faut, pour ceux qui disent l'or est halal, il faut lui faire des cadeaux. En ce sens, elle fera un bon rapport. Mais c'est pas la frapper jusqu'à lui faire couler du sang le matin et le soir, aller comme il y a un toutou devant elle pour essayer de faire cette chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit une chose, Allah, le plus grand savant du monde, il peut pas penser comme lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith sahih, quand on lui a demandé est-ce qu'on peut frapper la femme, il a dit vous pouvez, bien sûr avec des conditions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite beaucoup de femmes sont venues le jour même où il a dit c'est permis, sont venues se plaindre, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, laqad tafa bi ali Muhammad, il a dit beaucoup de femmes sont venues à mes femmes pour se plaindre, nisa un kathir. Beaucoup de femmes sont venues ce soir chez mes femmes plaindre leur mari. Ensuite il a dit ceux qui ont frappé, ceux-là ne sont pas les meilleurs de vous. Ça veut dire les meilleurs de vous ne frappent pas. Voilà ce qu'il voulait dire. D'accord, j'ai dit vous pouvez frapper. Donc certains ont frappé, ceux qui ont frappé ne sont pas les meilleurs. Ceux qui n'ont pas frappé, ce sont les meilleurs. Et c'est pour ça bien sûr, je demande à mes sœurs, surtout à mes sœurs, d'être, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'essayer d'obéir à leur mari. Pourquoi? Pour ne pas les pousser. Il y a certains maris qui ne se retiennent pas, il y a certains qui sont énervés, il y a certains qui ont beaucoup de travail, il y a certains qui sont déjà énervés dans le travail. Alors je leur demande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir peur de lui et d'obéir à leur mari, afin que si leurs maris sont des gens du genre qui frappent, au moins pour qu'elle ne soit pas frappée, bidna ta'ala. Il demande à quiconque qui frappe sa femme d'essayer premièrement de ne pas frapper, et deuxièmement s'il frappe, d'essayer d'être juste et de ne pas oublier que c'est une amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné entre ta main, et que demain tu seras questionné sur cette amana. Wallahu ta'ala alam. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je commence Allah Ta'ala avec nos frères et nos sœurs qui sont dans la salle. On commence par Electrodin, qui est toujours le premier à lever la main, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal Electrodin, Barakallahu Fik. Je crois qu'Electrodin, peut-être qu'il n'est pas là, il est à la prière ou là, mais qui... Est-il vrai que les salafis ont rejeté une fatwa qui a fait l'unanimité chez les savants sunnites comme At-Tawassul? Est-ce que tu as terminé? Écris-moi un si tu as terminé. Naam. Est-il vrai que les salafis ont reçu une fatwa qui a fait l'unanimité chez les savants sunnites comme Tawassul? Il est impossible que ce que tu viens de dire soit vrai. Je suis sûr que c'est pas toi qui l'as dit, bien sûr. Mais celui qui dit cela ne connaît pas les salafis. celui qui a dit cela ne connaît pas les salafis. S'il veut dire il y a eu unanimité, s'il veut dire il y a eu unanimité que le tawassul, il y a le tawassul qui n'est pas permis et que malgré cela ils l'ont rejeté, yani, les ulama ont été unanimes pour dire que par exemple ce tawassul n'est pas permis et eux ils l'ont rejeté, dans ce cas ce ne sont plus des salafis. Et si c'est le contraire, yani, il y a eu l'unanimité que le tawassul hada est permis, il n'y a pas eu l'unanimité, il est impossible, parce que le tawassul il se divise en groupes. Le tawassul qui est permis, tawassul de quoi? Avec ton iman, avec yani, le din que tu as dans le cœur, avec tes bonnes actions tu fais tawassul, hein? Tawassul, tu dis je demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai fait la fois passée par l'argent que j'ai donné etc, que tu me fasses aujourd'hui, j'ai des problèmes, que tu me fasses une solution etc. Ça c'est permis, comme on fait les trois personnes qui sont rentrées dans le tunnel. Vous connaissez leur histoire. Mais le tawassul qui n'est pas permis, c'est par exemple le tawassul de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis bi jah Nabi ou atawassul bi wajh Nabi ou bi jah fulan et fulan. Tout cela se rentre dans le shirk. Le shirk. Parce que ça rentre dans le shirk. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Est mort. Il a laissé quoi? Il a laissé sa sunnah. Tu vois? Si tu pratiques sa sunnah, tu peux demander Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais des choses de sunnah, tu les fais, des choses, tu peux demander faire le tawassul avec ce que tu as fait, mais pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort. Donc le prophète il n'est pas permis. Qu'en est-il de ceux qui font le tawassul avec des gens et des morts et des personnes dans les tombes et des walis, etc. Tout cela, ça rentre dans le shirk. Inch'Allah ta'ala. Alors les wahhabites, les salafis, c'est pas les mêmes. Wahhabites, ça ne veut rien dire. Salafis, ça veut dire qu'on suit les salafs, on suit les sahabas, on suit les tabi'in. Je ne suis pas obligé, moi, d'être un wahhabi, ou de ne pas l'être. Si c'est wahhabi, ça veut dire que je suis, yani, Allah Azza wa Jal qui est le wahhab, en ce sens, je suis wahhabi. Sinon, wahhabi, ça veut dire Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Je ne suis pas obligé de m'appeler Ibn Abdul Wahhab. Moi, je suis le verbe suivre. Je suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je suis tous ceux qui aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et entre autres, je suis aussi Muhammad Ibn Abdul Wahhab parce qu'il aimait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une dernière question. C'est quoi votre madhab de fiqh? Je n'ai aucun madhab. J'aime tous les ulamas et je prends de tout ce que disent les ulamas. Quiconque, qui est alam, il dit quelque chose et quand il dit cette chose il dit c'est Allah qui l'a dit ou c'est le prophète, moi je l'apprends, que ça soit l'imam Malik ou Ahmed ou Shafi'i ou Shawkani ou Ibn Hazm ou n'importe quel alam, s'il dit quelque chose il dit c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah qui l'a dit, son prophète, je saute sur cette chose et je la mets entre mes dents jusqu'à ce que je meure avec cette chose. Et je ne fais pas de différence entre les ulama, je les aime tous parce que Allah Azza wa Jalla les aime. Les ulama qui suivent le Coran et la Sunna, bien sûr. Est-ce qu'il y a une question pour une sœur, Inch'Allah? Mais les ulama nous demandent de choisir une école. Ce n'est pas vrai, Electrodine. Ce n'est pas vrai. Tous les ulama ont dit qu'il ne faut pas suivre une école. Si tu dis les ulama, qui c'est le ulama? Est-ce qu'il n'y a plus ulama? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est plus alim que l'imam Malik, et plus alim que Shafi'i, et plus alim que Ahmed ibn Hanbal, et plus alim que Abu Hanifa? Si tu connais quelqu'un plus alim que ces quatre, dis-le moi. Ces quatre sont unanimes à dire que personne ne doit nous suivre. Vous devez suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas nous. Les quatre l'ont dit. Si tu veux, je te donne les pages du livre où ils ont dit cela, Inch'Allah ta'ala. Bon, une sœur a dit, j'ai juré que mes enfants ne mangeront plus dans leur chambre et par oubli, je leur ai donné à manger dans leur chambre. Dois-je jeûner 3 jours? Là, je réponds, Inch'Allah ta'ala, par 2 réponses. Wa alaykoum salam wa barakatuh. La première réponse, je dois dire que vous devez savoir, Inch'Allah ta'ala, que quand quelqu'un jure par exemple d'une chose, ensuite il l'a fait. quand il jure. Et ensuite, il a fait, il a ce qu'on appelle kafara. Kafara, on me l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié, c'était quoi? Non, le kafara, c'est... Bon, j'ai dit que quand quelqu'un jure, par exemple, l'expiation, quand quelqu'un jure, par exemple, d'une chose, non, et il dit qu'il ne va pas la faire, s'il l'a fait, voilà la première chose qu'il doit savoir, s'il l'a fait, il ne doit pas commencer par le jeûne. Non, non, l'Azoub n'a pas dit le jeûne. Il a dit, « Fa kaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati batut'imun ahlikum ou kiswatuhum ou tahriru aqaba. Fa min lam yajid fa siyamu salati ayyam. » L'Azoub a dit, quiconque a une kaffara, il doit commencer par choisir ou bien il fait manger 10 pauvres, ou bien il les fait, il leur achète des vêtements, ou bien il libère un esclave. Bien sûr, maintenant il n'a plus d'esclave. Il a dit, s'il ne fait pas l'une de ces trois, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 3 jours. Donc ceux qui vont directement au jeûne se trompent. Ceux qui, une kafara, il a une expiation, il va directement, il va dire, je vais faire 3 jours. C'est faux, ce n'est pas vrai. Là, je t'ai fait choisir, ensuite il a dit, Tamil Lam Yajid, celui qui ne trouve pas. Il ne trouve pas d'esclave. Il n'a pas fait ni à donner à manger, ni à acheter des vêtements. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il fait le jeûne. Elle dit la première remarque. La deuxième remarque, quand tu l'as fait par oubli, tu n'as pas la kafara. Tu ne dois pas faire manger les masakin. Pourquoi? Parce que tu l'as fait par oubli. Et ensuite, tu as dit, et puis j'ai continué à le faire. Quand tu as continué à le faire, donc maintenant, tu dois faire. Tu dois choisir entre 10 mendiants, les faire manger ou bien les faire habiller. Si tu ne peux pas, tu fais 3 jours de jeûne, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? La première fois, tu as été excusé. Tu avais oublié. La deuxième fois, après l'avoir su, tu as continué à le faire. Wallahu Ta'ala A'lam. Salam alaikum, salam à 57. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Comment doit-on faire en France pour le début ou la fin du ramadan? Naam, salam à 57, Wallah, je sais pas comment d'habitude vous faites vous. Je ne sais pas comment en France d'habitude on fait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel qui représente les musulmans? Je ne sais pas. J'ai été une fois dans ma vie à Marseille, je suis resté, je crois, 3 jours. 3 ou 2 jours, j'ai oublié. Donc je n'ai rien vu, je n'ai rien compris. Donc il faut voir s'il y a quelque chose là-bas d'officiel qui dit que voilà, c'est le jour du ramadan, vous suivez Hada l'officiel qui est musulman. S'il y a quelque chose de musulman officiel, un grand centre islamique ou là, c'est lui qui a la fatwa là-bas, comme ça disent les grands ulama. Ou bien ils disent, s'il n'y a pas, tu suis le pays le plus près musulman de France, le pays musulman le plus près de France, Inch'Allah Ta'ala. Omar Abdullah a dit, bon, maintenant il y a tellement de questions que je ne vois pas, c'est embrouillé, Naya. Embrouillé. Zinjabila, Omar Abdullah, c'est embrouillé. S'il n'y en a pas d'argent, c'est du fou. Prépare ta question, on ne voit pas. Elle n'a pas d'argent à donner. Celle qui n'a pas d'argent à donner pour les pauvres, elle fait 3 jours. Elle fait 3 jours le jeûne. Inch'Allah Ta'ala, elle fait 3 jours. Mes questions. Tafadhal, mes questions. Naam, son mari ne veut pas lui donner, elle n'a pas d'argent celle-là. Elle fait 3 jours. Elle fait le jeûne 3 jours, elle n'a pas d'argent. Son mari milliardaire, il ne lui donne pas, elle n'a pas d'argent. Elle est pauvre. On lui donne même la zakat. Très bonne question, Inch'Allah. Mes questions. L'allaitement presque total étant fatigant et à croire la faim et la soif et les journées sont longues et chaudes, devra-t-elle tout de même se forcer à jeûner malgré tout? Que doit-elle faire alors que le prochain ramadan approche? Barakallahu fikoum. Naam. C'est c'est pas complet. Pardon, c'est pas complet, je recommence. Sa femme, elle recommence. Recommence, on t'attend, Inch'Allah. Recommence. Parce que s'il manque une petite chose, tout change, hein. S'il manque une petite chose, tout change. Quand tu termines, tu écris un. Barakallahu fikoum. Quand tu termines, tu écris un. Non, maintenant, Inch'Allah ta'ala, tu as terminé. Donc, laisse-moi relire d'abord pour essayer de comprendre. Laisse-moi relire d'abord pour essayer de comprendre. Il y a deux questions. Je vais agrandir un peu de l'écran. La première, salam alaykoum, salam wa rahmatullah. Elle a dit, l'allaitement presque total étant fatigant, et à quoi la faim et la soif et les journées sont longues et chaudes, devra-t-elle tout de même se forcer à jeûner malgré tout, ou que doit-elle faire alors que le prochain ramadan approche? Non. Cher frère, mes questions. La femme qui allait, bon, il y a une autre question en bas, l'allaitement. Voilà, femme, c'est la même chose. Non. Une femme qui allait, elle regarde. C'est elle qui sait. Personne ne sait. Elle regarde. Si elle sait que elle se fait mal à elle ou bien à son bébé. Si elle sait que en allaitant pendant le ramadan, elle a mal. Elle sent qu'elle a des maux. Elle sent qu'elle a mal. Elle sent qu'elle est fatiguée. Elle sent que sa tête qui tourne, elle sent qu'elle veut tomber, etc. Elle a mal, elle. Ou bien elle sent que le bébé, yani, souffre. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle mange et c'est pas la peine de rattraper. Ensuite, c'est pas la peine de rattraper. Chaque jour qu'elle a mangé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait manger un mendiant. Pour chaque jour qu'elle a mangé, elle fait manger quelqu'un qui est pauvre. C'est pas, elle lui donne de l'argent. Je dis bien, elle le fait manger. Pourquoi? Ce n'est pas une sadara. C'est pas, elle donne de l'argent au monde. Elle a dit, c'est autre chose. Elle lui donne de l'argent. Non. Elle le fait manger. Parce que, quand on donne de l'argent à quelqu'un, c'est pas sûr qu'il va manger. Peut-être qu'il va aller au cinéma. Peut-être qu'il va acheter des cigarettes. Peut-être qu'il va, je ne sais pas où, acheter des journaux. Non, il faut qu'elle le fasse manger, ou bien on le fait manger à la maison, ou bien on prépare le manger, on lui donne, ou bien on achète un peu de pommes de terre, etc., un peu de viande dans un sachet, on le lui donne, ou bien on va dans un restaurant, on lui dit, suis-moi. Il te suit, on lui dit, rentre là dans le restaurant, et tu donnes de l'argent à celui, le restaurateur, tu lui dis, je paye pour cette personne. Ou bien toi, tu vas dans un restaurant, et tu cherches. Quand tu vois quelqu'un, il te paraît comme ça qu'il n'a pas, hein, d'après ses habits, il paraît un peu pauvre. Tu dis au restaurateur, c'est moi qui paye à la place de celui-là. Et tu comptes. Chaque jour qu'elle a mangé, combien de kilos, quoi que... Allah, je ne sais pas à quoi ça correspond en France. Hein. Mais ce n'est pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas beaucoup. Les ulama ont dit, ce n'est pas beaucoup. Ils ont dit, juste tu achètes quelqu'un, comme toi tu manges. Si toi tu as l'habitude de manger un peu de riz ou là, c'est à peu près comme ça. Il faut qu'il mange jusqu'à ce que il n'est plus faim. C'est pas la peine qu'il mange deux ou trois plats, hein, les poissons et les crevettes et je ne sais pas quoi. Non, il mange une seule chose. Maintenant, il n'a plus faim. Là, ça s'arrête. C'est pas cher du tout. Mais c'est elle qui sait, est-ce qu'elle a mal ou est-ce que son bébé a mal ou est-ce qu'il n'a pas ou est-ce qu'elle n'a pas. Seul Allah Azza wa Jalla sait et seule elle sait. Wallahu ta'ala alam. La deuxième question. J'avais dit, Inch'Allah, poser une seule question. Barakallahu fikoum. Regardez combien il y a de soeurs et de frères qui attendent. Jazakumullahu khairan. La deuxième question, puisque tu l'as posée. Où est-ce que commence la deuxième? Une soeur a accouché pendant le mois de Ramadan, alors qu'elle avait atteint la fin de sa grossesse. Elle n'arrivait pas à jeûner. Le manquant du fer était fait. Puis elle eut ses logis, puis elle a allaité pendant presque un an, elle a dû donner presque son lait à son bébé, car elle ne voulait pas manger autre chose. Puis vint l'été, elle n'était pas toujours dans la capacité physique de rattraper son jeûne. Ah, c'est comme ça que ça commence, presque là. Donc moi j'ai commencé par la fin. donner son langue et chose devra être bien sûr pour ça. Non, maintenant ça change tout. Moi j'ai pas lu le début de la question. Je répète, quand quelqu'un, une femme est en plein ramadan, elle allaite, ou bien elle est enceinte, si elle a mal, ou bien le bébé a mal, elle peut manger. Allah Azza wa Jalla sait si vraiment elle ment ou là vraiment il a mal et elle a mal. Si elle mange, c'est pas la peine de rattraper après. Maintenant, c'est la même chose. Celle-là qui a eu des lochés, elle a fait manger, ensuite, elle donne tout le temps à manger à son fils, elle l'allait tout le temps. Celle-là, puisqu'elle l'a allaité seulement, elle peut, inshallah ta'ala, ne pas rattraper, mais seulement faire manger pour chaque jour un mendiant. Naam. Pas de douleur physique, c'est pour ça que je suis en train de relire pour être sûr. Elle n'arrive pas à jeûner, etc. Pour aller chez l'oché, pour aller aller plus loin. C'est comme je t'ai dit, inshallah ta'ala. Puisqu'elle a mangé, naam, Allah il est complexe. Puisqu'elle a mangé parce qu'elle avait allaité, naam. Fadal Muslimassi 1919. Muslima. Alaykoum salam, wa barakatou. J'aimerais savoir de nos jours, beaucoup de personnes se permettent de dire que lorsque tu t'énerves ou tu dis une insulte, rue du shaitan, alors que tu es en état de jeûne, alors il n'est plus valable. Est-ce vrai, barakatou? Non, ce n'est pas vrai. Quiconque est en plein ramadan, s'il dit quelque chose ou là il insulte ou là, il dit qu'il aime l'aïbada, son ramadan est sahih. Sahih, mais il a bien sûr, il a un péché, et le péché pendant le ramadan il est plus grand que pendant les autres mois. Mais son ramadan est sahih, il est vrai, il est juste. Maintenant, sauf bien sûr, s'il a insulté, une insulte qui annule l'islam et non seulement le ramadan. Maintenant, s'il a insulté Allah, ou bien il a insulté le Coran, ou bien celui-là, il a non seulement annulé son ramadan, mais il a annulé même son islam. Celui-là, il doit rentrer en islam de nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala l'a vu. Mais s'il s'est énervé, il a dit une chose comme ça, aïe, ou bien, celui-là, son ramadan est vrai, mais il a un péché, inshallah ta'ala. Une sœur, inshallah, des sœurs. L'iman, ourti, celle-ci est très importante. La sœur est tombée malade pendant la fin de ramadan, déshydratation. Plus, c'est... Maintenant, vous me posez deux questions à la fois. Celle-ci est très simple. La sœur est tombée malade pendant la fin du ramadan. Déshydratation, certes, elle n'a pas pu jeûner vu son état critique. Donc elle doit 15 jours de jeûne, elle a pu rattraper 5 jours, il lui reste à présent 10 jours. Que doit-elle faire, Inch'Allah, barakallahu fikoum. Naam. En ce qui concerne cette sœur, puisqu'elle n'a pas pu continuer à cause de la déshydratation, elle a fait seulement quelques jours, donc elle doit encore 15 jours de jeûne. Celle-là, elle attend jusqu'à ce qu'elle guérisse et elle se sente forte. Pour qu'elle fasse ce ramadan. Elle attend. Si elle sait maintenant que sa maladie, c'est du genre qui est toujours avec elle. C'est une maladie qui est toujours avec elle. Elle ne peut pas devenir en bonne santé. C'est comme par exemple quelqu'un qui a par exemple le sucre. Quelqu'un qui est malade du sucre. Est-ce celui-là, il va guérir? La plupart du temps, il ne va pas guérir. Donc si elle sait que le genre de maladie qu'elle a est toujours avec elle et ne part pas, celle-là, elle peut dès maintenant faire manger 15 personnes pour les 15 jours qu'elle n'a pas fait. Je répète, si elle sait qu'elle va guérir et se fortifier, elle doit attendre. Même un an, deux ans, essentiel, elle attend jusqu'à ce qu'elle se fortifie et elle fait les 15 jours. Bien sûr, elle n'est pas obligée de les faire d'affilée, aujourd'hui un jour, après un jour, etc. Mais si elle sait que la maladie qu'elle a est toujours avec elle, elle ne va pas guérir Donc c'est pas la peine d'attendre. Elle va pas pouvoir le faire autrefois. Elle va pas pouvoir le faire après. Donc celle-là, elle fait manger 15 jours à la place des 15 jours qu'elle a mangé. Elle fait manger 15 mendiants. Sur anonyme. Allah n'a pas de la vérité. Voilà, depuis quelque temps, mes règles sont irrégulières, elles sont plus longues. Et le souci, c'est qu'elles apparaissent un ou deux jours. Je souhaiterais savoir que faire, barakallahu fikoum, de votre réponse, inshallah. Naam, je t'aurais bien répondu si j'avais bien compris. Mouchkila, je n'ai pas bien compris. C'est ça. Naam, sont irrégulières, ça, elles sont plus longues. Naam, elles sont plus longues. Au lieu, par exemple, de 6 jours, elles sont 8 jours, elles sont 9 jours. Tellahna, il n'y a aucun mouchkila. C'est qu'elles apparaissent un jour ou deux. Ça veut dire qu'elles apparaissent un jour ou deux, ensuite elles partent ou là comment? Est-ce qu'elles apparaissent un jour ou deux, ensuite elles partent, elles n'apparaissent plus, ou là qu'est-ce que tu veux dire? Voilà ce que je veux comprendre, Anna. Elles apparaissent un jour ou deux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles apparaissent? Tu n'as pas dit qu'elles partent ou là comment? Écris, Inch'Allah Ta'ala, je suis en train d'attendre que tu écrives avant de passer aux autres, Inch'Allah Ta'ala. Un jour il n'y a rien, l'autre jour il y a quelque chose. Barakallahu fik. Regarde ma soeur, il n'y a pas plus difficile dans le fiqh que la question des règles pour les femmes. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit ça, beaucoup de ulama ont dit ça, ils ont dit qu'il n'y a pas plus difficile que ça. D'ailleurs, il y a même des choses où il n'y a presque pas de réponse, ils ne savent pas. Dans ce cas, celui que tu viens de dire, une femme, aujourd'hui elle a les règles, demain elle n'a pas. Aujourd'hui elle a, demain elle n'a pas. Cheikh Ibn Uthaymeen lui-même, c'est Farza 56. Bon, je vais chercher d'abord où est-ce qu'il est là. Je vais chercher là. Cherche-moi dans où est-ce qu'il est, en haut ou en bas. Non, où est-ce qu'il est, en haut ou en bas, cet imbécile là. Où est-ce qu'il est, en haut ou là, en bas? Voilà. Écoute, Farza, va jouer ailleurs. Barakallahu fik. C'est une salle. T'as ilm. Et peur d'Allah. Et peur d'Allah. يا من لا تخاف الله اذهب الى القاعات اذهب باشي لي صال و ديال لي خوبا تاع كونطوا اي في سكو تو فو لا با je disais que quand la femme a dit un jour elle n'a pas, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit les ulama se sont divergés ici. Est-ce qu'elle fait le jour où elle n'a pas? Est-ce qu'elle prie et elle jeûne ou elle ne fait pas? Il a dit, certains ont dit oui, certains ont dit non. Certains ont dit, le jour où elle n'a pas, elle fait la prière et le jeûne. Le jour où elle a, elle ne fait pas. Comme Cheikh Ibn Baz a dit cela. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, il n'y a pas quelque chose de sûr qu'elle doit faire. Mais on va prendre avec le deuxième avis qui dit quoi, Inch'Allah Ta'ala, il dit, la période des règles, quand elle commence, classe, on a vu qu'on a les règles, on connaît les règles avec la couleur, l'odeur, etc. On sait qu'on est en règle. Même si le sang s'arrête, tu es en plein règle. Les règles ont commencé aujourd'hui. Classe, je suis sûr que ce sont les règles. Demain, il n'y a pas. Demain, ce sont les règles pour moi. Même s'il n'y a rien. Les règles, c'est pas seulement le sang. C'est la période. Ils ont commencé aujourd'hui. J'ai l'habitude 6 jours, donc j'attends 6 jours. Et après 6 jours, je me lave. Même si pendant les 3 ou 4 jours, il n'y a rien eu. Pourquoi? C'est pas une question de sang, c'est une question de période. C'est une question. Donc le sang qui s'arrête en plein règle, ça ne veut pas dire que les règles sont terminées. Ça veut dire qu'on est en règle, mais il y a eu quelque chose qui les a empêchés. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala, la plus juste. Wallahu Ta'ala, a'lam. Ummu Kasi Salaf. Je demande à mes soeurs, Inch'Allah, qui compte les embêtes, de me dire vite, Barakallahu fikoum, vous écrivez à une des trois soeurs ici, vous dites il y a X qui m'embête, et vous dites le nom de ce khabib. Salam alaikum. Ma femme écoute des anachis en cuisinant. Explicite, Barakallahu fikoum. Naam. Premièrement, pour les anachis, il y a des anachides où il y a la musique, où il n'y a pas la musique. Ceux où il y a la musique, n'en parlons pas, c'est haram. Haram pourquoi? À cause de la musique qu'il y a. Deuxièmement, maintenant supposons qu'il n'y a pas de musique, seulement des anachides. Mais un acid, inshallah ta'ala, il faut pas que ça soit une habitude, car sinon tu vas devenir un des ikhwan. Ce sont les ikhwan musulmans qui ont les anachides, c'est dans leur religion. S'il n'y a pas d'anachides, tu dis, on n'est pas dans la vraie voie. Toi, les anachides, inshallah ta'ala, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, je ne vois pas, yani, de problème à ce qu'on entend des anachides. Il a dit, à condition que ça ne soit pas une habitude. Maintenant, si quelqu'un le fait comme ça des fois, il ne le fait pas tout le temps, inshallah ta'ala, c'est perdu. Mais si il va le faire chaque matin et soir, il est devenu un khwanji, il est devenu un ikhwan. Celui-là, il n'a pas fait quelque chose de bien. Wallahu ta'ala a'lam. Une sœur, inshallah ta'ala, tafadhal, une sœur. Sœur anonyme, lorsqu'une sœur demande à une autre comment fais-tu pour ne pas tomber enceinte, et que celle-ci, si elle répond, je fais le roust préservatif ou autre, est-ce que celle qui a répondu rentre dans le hadith qui dit qu'il interdit de raconter les rapports intimes du couple? Non, ça ne rentre pas, inshallah ta'ala. Ça ne rentre pas. Ça rentre quand quelqu'un, un homme ou une femme, parle de cela en détail. Hier, voilà ce que je fais avec ma femme, voilà comment j'ai commencé, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai terminé. Ça, c'est haram. Et quand on montre à quelqu'un comment qu'on fait pour ne pas être enceinte, on dit par exemple, au lieu de laisser le liquide avec, séminal, au lieu de le laisser partir à l'intérieur, je le jette dehors. Je montre à quelqu'un, voilà comment. Ça, ce n'est pas interdit, inshallah ta'ala. Mais je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire le refl préservatif. Celui-là, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire le rose préservatif, mais voilà la réponse, inshallah ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de détails ce que j'ai fait moi et ma femme. Mais je parle en général que voilà quand quelqu'un, lorsqu'il ne veut pas que sa femme soit enceinte, voilà comment il doit faire, etc. Ce n'est pas haram, inshallah ta'ala. Le rose, j'ai compris le rose. Non, le rose, je ne connais pas quelque chose qui s'appelle un rose préservatif. C'est pour ça que j'ai eu peur, peut-être. Une bid'a ou là, c'est quoi le rosse préservatif? Je ne connais pas qu'il y a une façon de se laver, je ne connais pas qu'il y a une façon de se laver pour quand l'homme se retire. Ah, l'azl, d'accord, l'azl. Naam, l'azl, j'ai compris. Naam, c'est permis de parler de l'azl. Naam, j'ai compris. Naam, parce que tu as écrit rosse avec R, il fallait écrire azl. Naam, j'ai compris. Non, quand tu parles du azl, c'est permis, tu dis naam, voilà mon mari, moi on fait l'azl. Ensuite qui c'est? Al-Qiyama, tafadhal. Et puis même, pardon pour la sœur dont je viens de répondre, et puis même ce n'est pas obligé que tu dises, par exemple c'est pas obligé que tu dises, moi je fais avec mon mari l'azl hada. Tu dis voilà, il y a une solution, quelque chose qui s'appelle l'azl en islam. Et l'azl, tu expliques. L'azl, c'est l'homme, avant de faire ceci, il jette cela, etc. Tu expliques. Mais ce n'est pas obligé de dire, moi je le fais avec ma femme. Ce n'est pas obligé. Mais si tu le dis, inshallah ta'ala, c'est pas haram. Une personne demande, j'avais plusieurs jeûnes de kafara effectués, mais j'ai oublié le nombre exact. Comment puis-je faire? Naam, tu calcules à peu près. Comme ça disent les ulama, tu calcules à peu près. Car tu ne peux pas maintenant savoir exactement, mais tu calcules à peu près et tu mets un nombre dans ta tête, et quand ce nombre est dans ta tête, tu dis par exemple j'ai 20 jours ou là, tu ajoutes un ou deux jours pour sortir, inshallah ta'ala. Non, tu estimes comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit taharraw sawab, taharraw, essaye d'estimer à peu près quel est le juste, ensuite ajoute un ou deux jours comme ça ziyada de ta part, inshallah ta'ala, ça sera accepté. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam, Mohamed 1998, tafadhal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une discussion avec les imams sur les chrétiens et les juifs. D'après ce que l'imam a dit, et que j'ai compris ce qu'il a dit. Il y a, ça dit, il est minuit. Naam, il est minuit passé. Naam, il est minuit passé. Salam alaikum. J'avais une discussion une fois avec un imam sur les chrétiens et les juifs. d'après ce que cet imam m'a dit, et ce que j'ai compris, les chrétiens et les juifs seraient des mouchlikines, mais pas des kuffars. Et que les kuffars sont ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, les athées. Je lui ai fait savoir, mais je n'étais pas d'accord avec ce point de vue, car pour moi, si ce n'est pas des kuffars, la religion serait agréée. Ou seule la religion d'Allah qu'agréée. Qu'en pensez-vous? Barakallahu fikoum. Il faut que je comprenne un peu. Non. Une seconde, je ne lui ai pas dit ce que j'étais. Naam, j'ai compris ce que tu veux dire, Mohamed 1988. Cet imam avec lequel tu as parlé, pardon, c'est un jahal. Cet imam, c'est un jahal et qui n'a rien compris. Cet imam, c'est un jahal et il n'a rien compris, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Pourquoi? Parce que tout mouchrik est un kafir. Et pas tout kafir est un mouchrik. Tout mouchrik est un kafir. Et Allah Azza wa Jalla, quand il dit le mouchrikin dans le Coran, il parle des Arabes. Il parle de l'Arabe le mouchrikin, kuffar Quraysh. Il dit mouchrikoun. Et s'il dit kuffar, il parle de Ahl Kitab. Ma yawuddu alladhina kafaru min Ahl Kitab wala al mouchrikin. Il a dit Ahl Kitab, il a dit wala al mouchrikin. Mouchrikin c'est l'Arabe le kuffar Quraysh. Le mouchrikin c'est Ahl Kitab. Et quand il dit Allah Azza wa Jalla, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ كِتَابُ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Aussi, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ كِتَابُ وَالْمُشْرِكِينَ. Quand Allah Azza wa Jalla divise, il dit Mushrikin à part et Ahl Kitab dans un seul verset, ça veut dire que le Mushrikin c'est les Arabes et le Kuffar c'est qui? C'est les gens du livre. Mais s'il dit en général, إن الذين كفروا مثلا en général إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم il parle de tous, ça veut dire tous les kuffar. C'est pour ça que les gens du livre ce sont des kuffar. Naam, ce sont des kuffar. Il s'est trompé quand il a dit c'est seulement mushrikin. C'est Allah Azza wa Jalla qui a dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Qu'est-ce qui a dit ثالث ثلاثة? C'est les chrétiens, ils ont dit l'âme, le Saint-Esprit et Allah, ça fait trois. Il ne s'est pas trompé car il me donnait un exemple. C'est ce qu'il pensait. L'Azaj, il a dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Il a dit ce sont des kuffars, ceux qui ont dit Allah Ta'ala, ce sont trois. Et ceux qui ont dit Allah Ta'ala, c'est trois, ce sont Ahl Kitab, comme tu dois, Inch'Allah Ta'ala, le savoir. Non, je m'arrête là, Inch'Allah Ta'ala, le temps est déjà passé. Je vous rencontrerai, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain dars, pour savoir quand est-ce le prochain dars. Vous connaissez, Inch'Allah Ta'ala, l'adresse, elle est là en haut. HTTP, elle est mtimia, je ne sais pas comment la faire descendre en bas. On se rencontre, moi je ne sais pas quand est-ce que j'ai le dars. Ça, c'est pour les questions, mtimia, hotmail, c'est pour les questions. Et l'autre, je n'ai pas ici l'autre adresse, elle est pour l'écrire. C'est pour savoir, Inch'Allah Ta'ala, quand est-ce que le DAS, j'ai oublié quand est-ce que je vous ai dit le Hadanam. Vous voyez ici, quand est-ce que c'est le prochain DAS. Bon, et les autres, vous m'écrivez pour que je vous réponde, Inch'Allah Ta'ala, sur le hotmail. Mercredi, Naam. Mercredi. Je ne sais pas si c'est mercredi, hein, je crois pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est dimanche. Je ne sais pas. Allah Alam, chauffe, regardez sur le programme. Subhanak Allahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. Pour la sœur, justement, pour la sœur, je dois parler avec la sœur. Je l'attends, Inch'Allah Ta'ala. Je l'attends dehors, Inch'Allah Ta'ala. Je l'attends dehors. Je vais contacter qui? Je vais contacter qui pour la sœur? Dites-moi qui je vais contacter. J'ai dans l'Ahar, j'ai dans le